الراديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. السلام عليكم يا أهل سلام حشيشة على باري، مرحبا بكم. الساعة راهي 8 بتوقيت الجزائر، الساعة دونك 9 بتوقيت فرنسا. مرحبا بكم سير راديو حشيشة، جيسبر كو فو باسي داغريابل مومون افيك نو. اون ايتي اون تران ديكوتي غنوة ديفيزيون avec la chanson Moum Zawalia. Et comme vous savez, tous les samedis soirs à cette heure-ci, on a l'émission Tana en direct. Donc nous sommes en direct là maintenant. On ouvre l'antenne comme d'habitude tous les samedis soirs. On ouvre l'antenne pour les gens qui veulent participer par Skype à notre sujet. C'est ce qu'on fait tous les samedis soirs. Donc marhaba bikoum sur Skype. Hchicha DZ, si vous voulez appeler et participer, vous pouvez appeler pendant l'émission. Hchicha DZ, tout attaché, pour participer. Sinon, sujet tana hadlioum, c'est l'Égypte, les événements en Égypte. Ce qui est en train de se passer depuis le coup d'État. Il y a beaucoup de morts, etc. Je pense que tout le monde a suivi tout ça. Si vous avez un commentaire ou là un point de vue ou là une information à diffuser, c'est le moment. Si vous avez participé par exemple aux manifestations qui se déroulent un peu partout en solidarité avec les Égyptiens, je vais prendre le premier appel, mais dans deux minutes. Juste expliquer à nos auditeurs Billy peuvent participer par Skype, Chicha DZ. Et j'avais préparé un petit, les petites questions qu'on va essayer d'aborder. On va essayer d'aborder le sujet à l'Égypte par le coup d'État militaire. A-t-il réussi ou échoué selon vous? J'avais pensé à une autre question. Qui est responsable de la situation grave? Il y a une crise politique, il y a des morts. Je pense que c'est quand même grave. Et à votre avis, qui est responsable? Est-ce que c'est les militaires? Est-ce que c'est les islamistes? Est-ce que c'est les démocrates et les gens de gauche qui ont participé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est Israël? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est responsable de la situation? Sinon, la question aussi, qu'est-ce que vous, comment vous voyez les choses? Comment elles peuvent évoluer? L'avenir, yani kifa tchoufou. Est-ce que vous pensez que cette situation ressemble au scénario algérien, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit Billy, tout ça ressemble à ce qui s'est passé en Algérie pendant les années 90, coup d'État, dérapage en violence, interdiction de partis politiques, etc. Voilà les questions par lesquelles je souhaitais qu'on aborde le sujet. Andy déjà quelques appels, il y a des gens ils essayent d'appeler. Je vais essayer de prendre les appels un à un. On va essayer de pas être lent, Khaouti. Il faut pas être lent pour laisser passer un maximum de gens. Pour le moment, je donne pas mon avis, j'essaie d'écouter les gens. Marhaba bikoum, c'est sur Skype. Chicha DZ si vous voulez participer. Chacun son point de vue et tous les points de vue sont respectables avec des arguments, sans insultes, etc. Pas la peine de rappeler ce genre de choses. Je vais essayer le premier appel qui a sonné tout à l'heure et puis je reviendrai aux autres appels si vous permettez, Khaouti. Hein. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Marhaba bik, on est en direct, Khoya. Ah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, je capte pas très bien votre. En fait, si on peut parler juste sur Skype, il faut couper sur le site Radio Chicha ou la Wirak Tsma, il faut couper le son Taha. Comme ça, on va parler juste sur Skype. Il n'y aura pas d'interférence. C'est fait. Bon, je pense que je voudrais parler de ce qui se passe en Égypte. Donc, allô, Wirak Tsma fait. Ouais, mais si tu peux te rapprocher le micro. Comme ça, ça sera plus. Si tu peux te rapprocher à le micro, parce que là, c'est un smack, mais c'est. Et comme ça, c'est mieux. C'est un peu mieux, ouais. Ok, ah. C'est bon, ça passe. Alors, bon, on est au pratique. ça veut dire ce que j'ai déjà répété, une seule fois, il permet de voir ce qui se passe. C'est normal, c'est malheureux. C'est des vies humaines qui partent par milliers. Le premier responsable, c'est les militaires. Je pense qu'ils ont volontairement. Ils ont nommé des militaires, c'est ce que tu dis, je t'entends très mal à la belle, voilà, c'est mahli. C'est les militaires, c'est les brigades d'artillerie. Ouais. Et ça, en fait, ils ont escaladé le conflit volontairement. Ouais. Ils sont partis dans l'escalade volontairement. C'est malheureux. Et qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as, c'est-à-dire, tu as, par rapport à l'avenir, est-ce que tu restes optimiste ou là? C'est complètement flou, l'avenir c'est complètement flou parce qu'on ne sait pas ce qui va, on ne sait pas ce que va être la réaction du parti des frères musulmans. Et on ne sait pas ce que ça va, on sait pas ce que ça va déboucher, et on ne sait pas jusqu'où va aller la folie de l'État finalement. Parce que on est en train, l'escalade n'est pas encore, ne s'est pas arrêtée encore. L'escalade ne s'est pas arrêtée, et on a l'impression que l'escalade peut qu'on va encore aller plus loin dans les termes qu'on est en train d'utiliser, le terrorisme, la guerre, on est en guerre, et on assume complètement les massacres, etc. Voilà, donc on ne sait pas. Ok. Ok, j'ai vu, j'ai écouté un peu sur la télévision qui parle de ça. Kaïm bzaf men nas mathalan jazairiyin yidirou message haka lel masriyin yiqoulou lhom balak w trouhou fi l3unf lanno l3unf hadi machi mlih w sa dir rana ma3akom lakin stamrou fi silmiya et cetera. Tu as un avis sur ça? Oui, il faut absolument que ça reste pacifique. Ouais. Même étant pacifique, ils sont diabolisés. Même en restant pacifique, ils sont diabolisés. Donc, si encore ils vont rajouter, ils vont dans un processus de violence, donc c'est exactement ce qu'ils veulent. Le bordel, voilà. Je comprends. Et si tu permets, je voudrais juste extrapoler un petit peu sur notre pays, sur notre société, parce que ça peut éclater à n'importe quel moment, je pense que tout le monde le sait. C'est juste un appel que je voudrais lancer. J'espère qu'on arrivera à apprendre un petit peu de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer en Égypte. Et j'espère que nos islamistes et nos démocrates et nos partis de gauche apprendront à cohabiter et à ne pas tomber dans cette diabolisation mutuelle et à ne pas tomber dans les bras tout simplement du régime, parce que c'est ce qu'ils demandent et c'est ce qu'ils veulent. Et j'espère que voilà, je parle pas de ceux qui sont, comme on dit, majorés, parce que major. Il a une mission à faire, qu'il a de la mission à faire, il va l'accomplir. Mais je parle des gens sincères et des gens simples, des simples militants. J'espère que qu'on pourra apprendre, que nos islamistes apprendront des islamistes égyptiens tout simplement ce pacifisme et ce discernement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Inch'Allah, exactement, Inch'Allah, Arbi Star. Merci beaucoup pour l'appel, Khoya. N'hésite pas à appeler quand tu veux. Marhaba bik. Merci, à très bientôt. Voilà, Khaouti, donc ça se passe comme ça sur Radio Chicha, c'est notre émission en direct live. On parle des événements en Égypte. Si vous voulez participer, c'est par Skype, Aïto Bark Chicha DZ. Il suffit d'appeler Chicha DZ pour participer, pour donner votre avis, votre commentaire sur notre sujet de ce soir, c'est l'Égypte, mais il n'y a pas de règles, yani, c'est pas yani bedra. S'il y a d'autres sujets, il n'y a pas de problème, mais des sujets liés à l'actualité. On essaie d'intervenir en respectant les points de vue des gens, sans problème. Il suffit d'argumenter et puis il suffit de respecter aussi sans insultes, etc. Sinon, marhaba bikoum sur Skype, Chicha DZ. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre les autres personnes qui ont essayé d'appeler. N'hésitez pas à rappeler Khaouti. Voilà, notre sujet, c'est ce qui se passe en Égypte. Je me suis dit, les questions, c'est, à votre avis, est-ce que le coup d'État, il a réussi ou là, il a échoué? Est-ce que vous pensez de la responsabilité? Qui est responsable de la situation, à votre avis? Est-ce que vous voyez l'avenir bien ou là vous êtes optimiste, pessimiste par rapport à ce qui se passe en Égypte? Est-ce que ça vous a fait rappeler le scénario algérien? Est-ce que fait tachabouh ma bin ma yajri fi Masr wa ma yajri wa ma jara fi Djazair fi Tsaïnat عندما ça dit عندما كان فيه انقلاب عسكري في 92. Je prends un autre appel. Allô, salam alaikum. الو السلام عليكم سمير لا سلام اخويا صحيت مراد معك مراد صحيت صافا صحيت مرحبا بك خويا ميرسي بور لابيل جي با بي شكرا بروندر لك افون الحمد لله Nous sommes en direct, d'accord on écoute le point de vue tac sur notre sujet. Si tu as écouté, c'était quoi le sujet? écoute non malheureusement parce que j'ai un problème de la connexion avec le PC c'est pour ça que j'appelle depuis mon portable Ah ouais, ah oui d'accord. rappelle-moi juste le Le sujet, c'est les événements un peu les événements qui se passent en Égypte. Là, il y a des rapages, il y a du J'imagine. sang. Ouais, il y a du sang, il y a beaucoup de morts. Et on s'était dit que les gens, ils ont peut-être un commentaire ou un point de vue par rapport à ça. ايه على كل حال السلام عليكم نرحب بك ونشكرك دائما كل خطره يعني على المجهود اللي راك دير فيه وان شاء الله ربي يكتبه لك ميزان حسن Inch'Allah, merci الجزائريه beaucoup, c'est وغيرك gentil. من الناس الشرفاء C'est gentil. والناس اللي يسمعوا فينا ان شاء الله ثاني تنحييهم بالمناسبه ونقول لهم دافونس باسكو لاحظت احنا جزائريين وكاع نحبوا الجزائر وكاع عندنا رغبه ولكن كل واحد والتحليل ديالو لكن يعني حبيت نبدا يعني دونك نبدا بنداء للشرفاء الجزائريين ولا العرب ولا الانسانيين يخيروا من هاد الخيارات اللي عطيتهم باللي الوضع اللي راهو في مصر ماهوش قضيه سياسيه درك راهو قضيه انسانيه لما نصوروا نشوفوا يعني صور يعني نتكلم برك على واحد الواقعات يعني الانسان يكون في عطله ولا فاكونس يعني يعطل كل شيء ويهتم بهذا الامر وكاين بعض الناس تقول لك ولكن الامر هذا في مصر جوستومون الامر هذا في مصر غدوه من غدوه بهذه العقليه تاع خاطيني ولا ماشي كيف كيف لا هذه العقليه هذه بهذه العقليه وبهذا الرقود ولا كيفاش يقولوا هاد كيفاش يقول لك الناس كي تكون راكده ما تحوش تفهم هدايا لازم عليها تفطن دركا قلنا ماهيش قضيه انتماء سياسي ولا جماعه ولا سياسه راهي قضيه تاع انسانيه كيفاش نتصور في مسجد من بيوت الله فوق ارض مسلم ناس محاصرين من عند الشرطه تاعهم والجيش تاعهم اللي بهذوك الدراهم تاع الضرائب تاعهم راهم يشغلوا بسلاح يحصرهم ويضربهم امام العام باجمع لكن حتى انسان شريف يتكلم ولكن والله يا سمير نعطيك مثل لو حكمنا هنايا في اي منطقه في العالم يعني حظيره صغيره تي بارك وتجيب فيها القطط ولا الكلاب وتيري عليهم والله العظيم لقامت الدنيا في الوقت اللي حكنا فيه هذه العقليه هذه تاع خاطين جوج مونفوتيس وما يهمنيش وكتسمعوا له كنداروا ولا هاد المونتاليتي هذه شوف نعطي لك واحد القصه قريت واحد الكتاب تاع واحد اليهودي صهيوني واش يقول يقول القوة تاع الصهاينة ماشي إسرائيل الصهاينة احنا يعني القوة ديالنا لما ينقاس فرد واحد في العالم كلنا نتحركوا من أجله هذه هي القوة ديالنا الضغط تاعنا العالمي قال هكذا في الكتاب ديالو ونسيت الكتاب ما عنديش في راسي ولكن نقاوه ماشي مشكل ماشي واحد وماشي اثنين قالوا هذه النظريه هذه معروف بصح حنا شوف حنا في عقليه فرق تسد تشوف الاعلام يكذب بحجم كبير بصح هذا الناس ما لاحظتش الاعلام هذا اللي راه يكذب خاصه العربي وتاع الخليج هادوما علاش يكذبوا باسكو حجم الفشل تاع الانقلاب كبير على بها الكذب يكون كبير هاو علاش حبيت نطرق باللي راهي مسؤوليه تاع كل انسان شريف يقول الارض هذه راهي مسؤوليتنا كلنا حنايا من باب الانسانيه ماشي من باب يا سيدي الدين ولا من باب العروبه يا سيدي من باب الانسانيه هل يقبل اي انسان ويقول لك يقول لك الناس راهم عندهم صراع ماشي صراع اعتداء هذا اعتداء باسكو صاحب القوه معروف وكتبت الارهاب هذه خلاص هذه اكل الظهر وشرب عليها هذه نجي نتعدى على سمير خويا ويدافع على روحه نقول له لا عندي ارهاب لا ما تبررش الاعتداء ديالي كداسمة تاع الارهاب juste une autre question à laquelle j'avais pensé en fait ça a été comme ça discuté aussi par les commentateurs c'est le coup d'état هذا هل يعتبر انه ناجح خلاص نقدروا نعتبروه بلي نجح ولا c'est un coup d'état qui a échoué est-ce que ça marche pour eux ou là tu penses que ça va tomber à l'eau à ton avis شوف هي على كل حال هذه تما اي عقل في الانسان واي محلل يعني بسيط ماشي نقولوا ملحي يعني من مستوى عالي يشوف انت درت انقلاب نزلت الرئيس غلقت القنوات دخلت رؤساء الاحزاب للسجن بدون يعني قانون هكذا احنا كنا ننتظروا من هذه الحكومه الانقلابيه هذه المزعومه تافونسي في المشاريع ديالها ولكن ما افونساش همها واحد كانوا الناس في زوج ميادين هذا دليل واضح لو كان الانقلاب تاعهم نجح لا مشات يكونوا وزاره ويديروا انتخاب ويمشي ويديروا العوبه ديالهم وتمشي الامور ويجيبوا دراهم ويبداوا الاستثمار ولكن هما حبسوا هذوك الميادين تاع النهضه والنهضه والرابع العدويه هذوك يعني بلوكاو ليس مصر العالم باسر حتى امريكا تكلمت داروا لها الضغط شوف السلمية كاين بزاف ناس ما تعرفش واش معناتها السلمية واش المعنى ديالها السلمية هذا شوف سلاح هدايا ما يحاسبك عليه حتى قانون وحتى انسان السلمية هذا سلاح ما يقتل ما يدمر سلاح يعبر هاي هو النظرة كيفاش الناس تقرا هذا يا سيدي قال معليش خدينا الرئيس عزلناه خدينا بلاستو نافونسيو بصح علاش وقفوا عند هذوك رابع العدو علاش وقفوا عند الاعتصام السلمي باسكو الاعتصامات السلمية كذبتهم كاع كذبت كاع الكذب ديالهم كذبت الكذب تاعهم الاعتصامات السلميه كانت بالملايين ما كانش واحد يقدر دير احصاء وشوف اليامات واحسب الاعداد واحسب المساجد ودير احصاء وتشوف يعني في نفس الوقت خاصه في شهر رمضان كانوا ملايين ضد الانقلاب والناس اللي عندهم باسكو المشكل وراه سمير مشكل شوف حنا هاد الاحزاب الاسلاميه انا باريكزوم نتكلم على نفسي انا الاحزاب الاسلاميه نقدر نعارضهم ونقدر نكون معاهم ونقدر يعني ننتقدهم بصح في اطار قانون بصح انا درك الخصم ديالي درك الا خصم سياسي وغدوه بعيد الشر يدير اكسيدون نقول لك الشحمات لا هذه ماشي انسانيه هذه ما يقبلها حتى عقل يا انسان كيفاش هادو ما فازوا علينا بالانتخابات معليش دوك نشوفوا الاخطاء ديالهم وحنا نديروا برنامج والمره الجايه حنا نفوزوهم وهذه هي كما تندار في الدول المتحضره علاش نجيب الدبابه وما اكتفيتش بالدبابه وما اكتفيتش الناس دخلتهم الحبس نقتل الناس هذا ظلم هذا ما يقبلوا حتى انسان يعني انسان حتى يكون يعني حتى يكون يعني يعني يعني غلط في بعض الاشياء من ناحيه دينيه من ولكن عندكم مدره تاع انسانيه تاع رحمه سيدي ما قبلها شوف انا ما قبلها حتى جنس حنا في سويسرا صارت عندها عامين دي زيتيديو بلج جاو يديروا لي باكون باش يجوزوا لي فاكونس دو سكي وصرا لهم اكسيدون في الروتور مساكن في البوف تونيل ماتوا بزاف منهم علاش الا سمعت بها عندها دوزون نو جو ما رابيل هنا في سويسرا ولا غير حيدات كبير في سويسرا يغيدوك يعني الناس علاش يمكن غدوا يكونوا ولادي علاش التخلف هذا الحقد هذا منين هذا الحقد هذا حقد كبير تشوف اعلامي بالكوستيم والكرافات والمكياج ويقول يلزم تروحوا تحرقوهم لا والاخر نديروا لهم ليسونس ونحرقوهم واش هادو هادو عباده هادو واش وين لحقنا واش وين لحقنا ورانا رايحين بهذه السياسه شكون تخدم هاد الاوضاع شكون تخدم من هاد الفتنه هذه هاد المشاكل هادو وراي الحريه وراي الحريه في الدول العربيه وراي الجزائر وراي الجزائر هذه اللي تساهم عندها برلمان وراي الناطق الرسمي تاع الحكومه وراي الناطق الرسمي تاع الجمهوريه وراي البيان ما كاين لا تنديد لا والو لهذا الحجم لهذا المستوى هبطوا لا الوالديه السياسه وينعلبوها معيشه هكذا الواحد يشوف هكذا يعني الانسان هنا الاعصاب ديالو يعني ما يقدرش يتحكم فيها. ما نقدرش نتحكم في الاعصاب، نشوف خويا مكرزيوه في الشهر ما نقدرش نقول لك لا ويزم كل هدوء. انا حدي النفس هذه ما نقدرش نتحكم فيها. مره لما نشكي منظمات هذه تاع الامم هذه ما كانش ما كانش ائمه، ما كانش ائمه، ما كانش هاد الائمه يخرجوا غير على الشعوب. الجيش ما كانش، واش من جيش هذا؟ واش من جيش هذا اللي يقبل جيش شقيق تاع بلاده؟ يا سيدي ما عندناش رئيس يا خويا، يخرج علينا قائد من الجزائر ولا من تونس تاع ارمي ويقول لهم انا ثاني تنهضر اسي، يعني نهضر بصح نهضر كلمه الحق، نقول لهاد الارمي هذا، الارمي هذا انت راك خرجت، حنا نتبرئين منك كجيش عربي، حنا حتى ما عندناش لينيو يعني اتحاد تاع الجيوش العربيه، ولكن نقول له انا مادام راني جيش انا هنا والله، وكان جيت انا قائد جيش تاع اي بلاد نقول انايا نحترم البدله ديالي هذه، وهذوك اللي راهم يقتلوا بالناس هذيك البدله انا هذوك ما راهمش في العالم، العالم تاع الجيوش العالميه معايا ما نعرفش بهم. والشرفاء، شرفاء تركيا، تركيا والقطر كاين بعض الناس الشرفاء هذوما ولاو شغل اعداء. واش هاد اللي ورانا عايشين؟ ما واش صرنا؟ واش خدنا؟ وين لحقنا؟ وين لحقنا انسان تاع طفل صغير ارهابي؟ تقي والله يا ناس ارهابي تعقدني بهذاك الاسم تاع هذا ارهابي، هادو ارهاب، هادو مرحين يديروا، هادو مرحين يديروا، كيفاش مرحين يديروا؟ هادو كنحبوا يديروا يعني صح، وقلتوا عليهم كرهم حاكم قضوا عليكم، ولكن هذه كذوبات، هذه ما تكذبوش على الناس. نختلف معك سياسيا، ما نشمكش سياسيا، ما نحبش نشوف الريحه ديالك سياسيا، ولكن من انظر سياسي اخر انا مواطنين وحقنا كاع نعيشوا في هذه البلاد. كيفاش نقتل؟ انا نقتل بالجراره، نقتل واحد اعزل باش الناس الا شافت صور ولا ما شافت صور. والله العظيم غير غير والله ما يجيك الرقاد وش بك، لا حول ولا قوه الا بالله. معنا يا ودي انا حتى كنت صحفي ماجور وعندي خبزه ويتو نقول لهم خلاص والله ما نكتب انا وراء الشهامة وراء الرجل. نو لا لا بريس لا بريس لا في excuse moi ouais la presse elle a fait dans la manipulation, on l'a vu en fait surtout les agences de presse, année j'ai remarqué quelques fois, j'ai pas tout surveillé, mais les quelques fois où j'ai suivi un peu les agences de presse comme Reuters ou la AFP surtout et tout, ou là la dim عيب يعني من c'est-à-dire c'est vraiment grave que des agences de presse fassent comme ça de la propagande, مثلاً les images diffusées par la armée égyptienne pour prouver que les manifestants ils avaient des armes et tout. On a vu que ce sont des images vraiment qui ne prouvent rien du tout, absolument rien du tout, peut-être même des montages et tout, mais déjà, il y a une chose sûre, c'est que ce sont des images qui ne prouvent rien du tout. Eh bien, ces images-là, elles ont fait le tour du monde dans les agences de presse. En plus, ils ne les présentent pas comme... comme toutes les images. Non, il les présente comme informations. C'est-à-dire, voici des informations. On voit des manifestants qui ont des kalachnikovs et qui tirent. Et en fait, alors que ce sont des images, normalement, la moindre des choses, en tant que journaliste, tu mets dessus un point d'interrogation en disant, écoutez, ça, c'est une image qui montre deux personnes gros plan. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, ces deux personnes. On voit juste deux personnes avec des clashs. Un journaliste, il ne devrait pas dire, écoute, ça, c'est sûr, blisse et des manifestants telle place, tel jour, à telle heure. Là, c'est vraiment pas sérieux. En fait, fait une hiaise, c'est-à-dire les agences de presse et la presse mondiale et tout, ils sont pour le coup d'État, ils défendent le coup d'État, ils veulent que l'opinion publique avale le coup d'État. Ils ont vu que l'opinion publique, elle a des difficultés à avaler ce genre de conneries, surtout que maintenant, il y a Internet, les images, elles circulent. Exactement. Et du coup, ils insistent quand même. Vas-y, Khoya, vas-y, excuse-moi. Ils insistent sur quelque chose, mais bon, j'ai parlé à la presse. Chauffe, la presse, elle a dit, هادي ماشي جديده، ولكن حنا عرب يا اخويا، هادو يا سيدي ما يحبوش باسكو عندهم يخافوا الاسماء، يحبوش يفهموا شكون صح. حنا رانا مسلمين، عندنا مساجد، عندنا ائمه، عندنا جمعيه، عندنا وزاره، عندنا ناس، عندنا جيران، تكلموا معاهم قولوا كلمه الحق يا اخويا، كلمه الحق يا اخويا. علاش هاد الحق؟ وعلاش في مصر العام اللي فات صارت اكذوبه تاع بوليسيه، جبدوا واحد نحاو له حوايجو، قامت الدنيا وهضرت عليها فرونس 2 هضروا عليها. وعلاش هاد كيفاش يقول لك هاد لي دو بوين دو مزور؟ علاش؟ فوالا بوركوا. وعلاش انا لابيل اللي حاب نديرو الناس لا يسمعوا الناس لا يسمعوا الفيسبوك، جميع واحد عنده العائله ديالو، السوجي دركا ما راهو لا كوره لا اقتصاد لا والو، السوجي راهم على خوتنا باسكو غدوه من غدوه بهذه الطريقه تجينا حنايا وتكون رطار وتجينا بالك ابشع. ماذا بينا الناس دركا تتفطن شويه وتقول وراو صاحب الحق وراو صاحب الباطل وخلاص. علاش علاش هكذا؟ انا نشفى واحد الوقت في الجزائر كاين بعض الناس كانوا ضد الحزب اللي فاز الجزائر بصح قال لك لا بصح ما تحبش البروسيس الديمقراطيك ولاو اعداء هادو ولاو خوانا. واش هاد العقليه هادوما؟ هذه هي واش هاد العقليه؟ ورم الشرفاء ورم الشرفاء ورم الناس. ما يلزمش تكون سياسي باش تتكلم، ما يلزمش تكون ديبيوتي باش تتكلم، انت مواطن احكم الوسائل ديالك، عيط الراديو هاديه ولا غيرها ولا تكلم وقول وعبر، تكلموا برا تكلموا مع الناس. هذا ما يقدرش يسكن عليها اي عقل، هذا مستحيل، ما نقدرش نعيشوا هكذا مستحيل. واش نقولوا لولادنا؟ واش نقولوا لولادنا؟ نقولوا لهم باللي كان ظلم وسكتنا عليه. Très bien, merci beaucoup, Khoya Mourad. C'est clair, de toute façon, ton message, il est important à mon avis. À Texaha, de toute façon, je m'excuse, il y a des gens, ils ont essayé d'appeler là, il y a quelques, une minute, deux minutes, il y a des gens, ils ont bipé et tout, ils essayent. Je m'excuse, de toute façon, auprès de ces personnes, j'ai pas pu les prendre, on peut pas, on va laisser quand même les gens s'exprimer un peu. Sinon, Mourad, à Texaha pour l'appel, merci pour ton point de vue, merci pour le partage, tu peux rappeler quand tu veux, de toute façon, marhaba bik à chaque fois. Merci, merci, Khoya Mourad. Khaouti, je suis désolé, j'ai pas pu prendre les appels qui étaient juste là, il y a deux minutes. Vous pouvez rappeler, de toute façon, si vous voulez passer, donner votre avis. Je préfère laisser quand même les gens un peu s'exprimer. On n'a pas vraiment énormément d'appels. Donc, si on peut les étaler comme ça, on va laisser les gens s'exprimer un peu. C'est pas juste une ou deux minutes, non. C'est pas un maranèche, le maghrébien. On n'a pas tant d'appels que ça. Et puis, on peut gérer. Si vous voulez appeler Khaouti, donc on parle de des événements en Égypte. J'ai posé quelques questions si vous voulez intervenir par rapport aux questions. Hein. Le coup d'État, est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il il a réussi à votre avis? À qui est la responsabilité de ce qui se passe? Comment vous voyez l'avenir à votre avis? À Kouchoufou, les événements qui fait Rome Deirin, qui fait Rome Mtselsline. Et à votre avis, ça va être quoi la suite? Raikom. Et puis, est-ce que vous faites, c'est-à-dire qu'Emsef, des commentateurs, ils ont fait le lien avec le cas algérien en disant ça ressemble au cas algérien, il y a eu un coup d'État, ensuite spirale de violence, et la question qui se pose, est-ce que les islamistes des frères musulmans, ou là, ceux qui appellent contre le coup d'État, est-ce qu'on risque de les pousser vers la violence en fait? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sinon, la participation, c'est par Skype, c'est très simple, HHDZ sur Skype si vous voulez contribuer. Tous les points de vue sont les bienvenus, blarbiya, blakbeilia, ou le français, ou même l'anglais. Marhaba bikoum. En attendant, sinon je vous passe une petite musique, et puis n'hésitez pas à appeler, l'antenne est ouverte. مرحبا بكم استمعون الى راديو حشيشه اول اذاعه جزائريه على الانترنت Allô, allô. Allô, salam alaikum. Allô. Allô. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous entends pas très bien. Hein. Allô. Ouais, là, je vous entends un peu mieux. Nous sommes en direct sur Radio Chicha. Merci beaucoup pour l'appel. Azoul. Marhaba bik, Azoul. Je suis heureuse de vous appeler. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, pour les événements de l'Égypte. Mm-hmm. Ah, ouais. Je veux dire quelques trucs pour nous, les Algériens, ce qui se passe donc sur net, les commentaires, les publications de beaucoup de gens qui disent nous sommes des démocrates, des gens donc qui conspirent la démocratie. Et là, il y a les baramines, démocratines. Mais là, le marahavi qui dit chauffe ça, d'un as. نتاعنا النخبة بين قوسين مثقفين اللي هما الشعلة تاع المجتمع هما القيادة والمتنورين يحطوا المشكل في مصر مقسم إلى قسمين العسكر والإسلامي العسكر والإخوان وعلاه الناس اللي كانت مرابطة في رابطة الأبيعة العدوية غير الإسلاميين ما كانش ناس ثم أقباط كشناس لا دينيين sont des anti des gens libéraux des gens des démocrates يعني كل donc les frères musulmans non donc le problème ici donc ne réside pas ثنائية هذه الديانيتي عسكر و frères رغم كم لا ديمقراطية كم راهي في خطر راهي كل في الكون تاع الاعتصامات ما il faut pas donc يطيحوا في البياج هذا دونك اذا حاربنا المره هذه الاخوان ومعنا ني سي با ادت دو لو ديولوجي ما حنقضيو على الديمقراطيه عيش Alors, si je peux me permettre, il y a juste une petite question. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as remarqué, بعض من الناس هذو اللي يقولوا على انفسهم ديمقراطيين, etc., يساندوا الانقلاب وقالوا باللي راهم يقتلوا الاسلاميين, الشاه عليهم ميتوس. شفتيهم هذو؟ بلاه اللي اكوت دوبي دونك الفيسبوك اون جينيرال لي ريزو سوسيو الو وي وي سي بون شانتون مو très bien ouais حتى الثقافيه تاع الناس على صفحات تاع الفيسبوك تاع باج فيسبوك دونك لي كونتريبيسيون تاع الناس لا بلوبار الاقلام بزاف اقلام اي واحد يدافع على جرائم الدم ثم فهمتم الكراسي وقال انت اسلاميست الخراف بالبومانه في الجورنال في الصفحه تاعو تاع الغربال دار مقال عنده قريته البارح كان بزاف ناس تعليقات يحطوه في خانه لاكاز نتا واحد اسلاميست ولا سي اون ديفون جرائم ضد الانسانيه احنا نكونوا دي اسلاميست والله غير الصحافه العالميه راهي خاصك دين راهي الاغلبيه تاعها راهي ادانت الجرائم سورتو دونك لي جورنو دو des grands journaux, soit donc le British newspaper. C'est ok à Texas de toute façon, mais si tu as un point de vue par rapport, par exemple, est-ce que كما يقولوا انت تفكرتي مثلا قضية الجزائر في التسعينات ولا est-ce que les Égyptiens يقدروا يدخلوا فيها هذه في دوامة العنف هذه تاع السلاح كرد فعل على sur la violence تاع القمع تاع النظام القمع تاع العسكر est-ce que tu penses que les islamistes il a risque de prendre les armes هما ثاني ولا لا لا اذا كان شوف باش نفهموا على حاجه الاخوان اذا اتجهوا نحو اتجاه العمل المسلح حيفقدوا تعاطف الاحرار في العالم جميعا وجب يربي اذا الناس عندهم قياده راشده ان تومب با في لو بياج هذا مي هذا سون باش با كان بزاف ناس مندسين وحيهزوا سلاح وحيقتلوا الناس بزاف ويلصقوها في لي فراخ ميزيلمون قال فوالا دونك باسكو باسكو يفون دونك سي جون لا Oui, Inch'Allah, de toute façon, Rabbi Jib le Khair, de toute façon, parce que ça a l'air un peu méchant. Rabbi Yistar, les heures, les jayines, Inch'Allah, Wallah, Rabbi Yistar. Parce que donc, le monde arabe, le monde musulman, qui aime l'Hat l'Amel Ta'o, qui est à l'Egypte. إذا ما نساوش الموقع الاستراتيجي تاع مصر تاريخها القديم هي بوابة الشرق هي إذا طلعت فيها الديمقراطية حتخطف الشعلة من السعودية ويعود القيادة والريادة والرأي والاتجاه كامل تاع العلم الإسلامي كامل اللي يكون في يد الأزهر ما يكونش المشيخة تكون قوية ثم يكونش خادم الحرمين يكون عنده حتى وزن بزاف قضايا من ثم إسرائيل واحدة من الدول ما تمناش الخير لإيجيبت العهد السعودي البارح اليوم التصريحات تاعو اللي نقراوها يساند في سميه الناس هي او بوفوار اكتويلمون كونتر لي مسلمون باسكو ليديولوجي ما يتفهموش فيها على باله بلي حيخطفوا الرياضة هو اول واحد يتنحى قصات تحت رجليه والناس تعود ما تحش قاعد تكتمها C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. الحاجة الأولى والأخرى نقدموا تعازينا لجميع الأحرار اللي سقطوا في الأيام هذه. جميع الأحرار اللي اعتقلوا، اللي سجنوا، اللي فقدوا أحبابهم، أعزائهم. نتمنى ربي يستر النخبة على بالي بلي اليوم هذو الشاسكو ليليت، الشاسكو لي تيت بونسور. بونسونت. Vraiment, c'est très malheureux. والله Arbistor, c'est vrai qu'en plus ça continue aujourd'hui, ça a continué Darut Dakhol fi Masjid El Feth et ça continue dans d'autres villes en espérant que ça va s'arrêter. Merci beaucoup Souad pour l'appel. Marhababi quand tu veux sur Radio Chicha. Merci pour la participation et à très bientôt Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, shukr. C'est gentil. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Chantal. Voilà, voilà, Khaouti. C'était une auditrice. Souad, j'ai pas pensé. J'ai un autre appel. Chérif Akdash. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Khoya Samir, Mchrak. Marhaba bik, Chérif Akdash. من عنابة و ريزيدون ا باريس ولا لا exactement je corrige par rapport à l'autre fois merci pour l'appel c'est très gentil de participer c'est moi qui te remercie comme toujours hein, de nous offrir cet espace donc j'appelle toujours hein, par rapport à ce sujet qui est toujours d'actualité et de pire en pire en fait et c'est vrai par rapport à la première question celle des responsabilités moi, je pense qu'il n'y a aucun doute que l'armée est la première responsable, avec certains complices de l'Occident, hein, qui ont ou soit donné l'accord, ou soit se sont tus, ou soit ils ont appuyé cela par leurs différents médias, etc. Bon, est-ce que le coup d'État est réussi ou pas? Franchement, on peut le regarder de différentes manières. Si on regarde sur le moment. D'une manière, on va dire, superficielle, bah oui, il a réussi, hein, comme celui de l'Algérie. Par contre, si on essaye un petit peu de regarder d'un autre point de vue, au niveau des peuples, au niveau de l'histoire, au niveau de l'avenir, bah on va dire que non, il n'est pas du tout réussi, au contraire, hein, c'est pire que l'Algérie, puisqu'aujourd'hui c'est médiatisé. Et là, on est obligé, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il ne faut pas faire le parallèle avec l'Algérie, moi je pense que si. Il est très important de faire le parallèle avec l'Algérie. Quand on veut savoir s'il a réussi ou pas, on n'a qu'à regarder l'Algérie 20 ans après le coup d'État algérien. Ben, on s'en rend compte quoi ? On s'en rend compte qu'il y a des fuites des richesses gigantesques. Il y a un peuple appauvri. Il y a un système de santé lamentable, catastrophique. Il y a des universités à genoux. Il y a un peuple qui fuit son pays. Il y a une catégorie d'Algériens qui ont fui leur pays un peu partout dans le monde et deviennent par la force des choses des opposants. Bon voilà quoi, donc on se dit non, il n'a pas réussi. Et Il a fait minimum 200 000 morts, peut-être plus, et des chiffres incroyables de gens traumatisés, déplacés et tout pendant les années 90. Exactement, mais pourquoi? Pour rien. Pour arriver aujourd'hui, est-ce qu'un mec comme Nazar soit arrêté et humilié par un simple juge en Suisse? Et il doit revenir encore, hein, parce que c'est pas encore fini. Hein, ça ne fait que commencer. Exactement, et on le convainc qu'il vient. Pour finir, qu'un mec comme Tofir est insulté par tous les Algériens et maudit par tous les Algériens. Pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui, ben moi je dis que non, c'est pas gagné. Il n'est pas réussi. Juste on fait des victimes parmi nos peuples. Et en même temps, je pense que ça nous fait montrer un petit peu le coup d'État algérien, c'était un coup d'État invisible à l'abri de tout le regard. Le coup d'État aujourd'hui et ses conséquences et cette agressivité, cette violence sur la population égyptienne est en train de nous montrer et nous donner une idée. Comment à peu près s'est passé le coup d'État en Algérie et dans quelles conditions et comment se sont faits les assassinats, les disparitions, les accusations par les médias, etc. Donc c'est un mal pour un bien si j'ose dire, hein, parce que franchement la situation est trop grave pour pouvoir dire cela, mais on est en train aujourd'hui de vivre le putsch algérien, mais avec du sang et des images. Ceux qui ont raté le coche, ceux qui continuent à dire que le pouvoir algérien est un pouvoir qui a sauvé la République, on leur dit premièrement, elle est où la République? Et deuxièmement, on leur dit, maintenant on a les images et le sang pour illustrer le coup d'État algérien, sa férocité et ses conséquences. Donc moi je dis que le coup d'État n'est pas réussi, il n'est pas encore gagné, malgré qu'il y a des gens encore qui re-soutiennent, mais c'est toujours les mêmes, hein, ils sont toujours dans le même état d'esprit, on les a vus par rapport au coup d'État algérien, on les revoit aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, ils font partie des gens comme le Baradei, hein. Une fois que le dictateur il s'est bien installé grâce à eux, ils vont les jeter comme des chiens, ils vont leur enlever leur passeport et ils vont les convoquer, hein, comme le Baradei. Hein. Ils ne sont rien, ces gens-là, ils ne sont rien du tout. Et ça nous fait poser la question de l'armée. L'armée et les différentes armées dans nos pays, à quoi elles servent? À quoi elles servent? Et on se rend compte qu'ils ne nous présentent aucune gloire à l'extérieur, qui sont soumis aux forces extérieures et qui ne font que taper sur leur peuple. Tout ce qu'ils ont comme armes, tout ce qu'ils ont comme budget, c'est pour pouvoir assassiner leur peuple. On est en train de le voir, c'est illustré, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui disent que l'armée, c'est les sauveurs de la République, on est en train de regarder les sauveurs de la République, ce qu'ils sont en train de faire par rapport à leur peuple, et à leur côté, il y a un pays qui s'appelle Israël, ils n'ont jamais levé le petit doigt. Hein, donc voilà. Et c'est valable par rapport à toutes les armées. On a vu Kadhafi, comment il a utilisé ses moyens. On a vu Bachar el-Assad comment il est en train de le faire. On a vu au Yémen aussi comment ça s'est fait. On a vu les Algériens qui sont devenus un modèle, hein, malheureusement, dans cette exploitation du coup de force envers les populations et le mépris, l'assassinat, etc. Donc on se pose la question, à quoi nous servent ces armées? À quoi nous servent? Est-ce qu'on a réellement des armées au service des populations, au service de la nation, ou est-ce qu'on a des geôliers au service de l'Occident ou au service du pétrole et etc. Hein. Ils sont là que pour nous garder en laisse. Ils sont là que pour nous garder sous dictature pour qu'on puisse jamais évoluer, pour qu'on puisse jamais avoir des choix au service des autres. Donc ce ne sont pas nos armées, ce sont des gens qui sont chargés pour nous surveiller et nous garder. Serait pas un peu comme la petite phrase là qui dit, est-ce que c'est le peuple qui a une armée ou est-ce que c'est l'armée qui a un peuple? Exactement. Qui c'est qui possède l'autre? Exactement. En fin de compte, nous, c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'eux-mêmes, ils sont possédés. Ils sont possédés. Ils n'ont même pas le choix ni des décisions. Hein. Ils le font parce que des intérêts extérieurs les soumettent à ces conditions-là. Hein. Donc, c'est le cas très flagrant, par exemple. C'est le cas de toutes les armées. Mais c'est le cas très flagrant de l'armée égyptienne qui dépend de l'armée américaine à tout point de vue. Financement, entraînement, information, renseignement, formation, tout ce que tu veux. Tout à fait. C'est illustré. Hein. Franchement, il n'y a pas meilleure preuve pour ceux qui nous chantent le terrorisme et la gloire des armées. Hein. Franchement, il n'y a pas meilleure preuve. Et le problème, c'est qu'on se demande quand même quand est-ce qu'on va être libre, parce que si nos armées, on ne les possède pas, s'ils sont là que pour nous réprimer par rapport à nos libertés, etc., à quoi ils servent, à quoi ils servent. Mais pour dire que, en tout cas, quelles que soient les victimes qui sont tombées, le coup d'État n'est pas réussi. Il ne sera pas réussi parce que les peuples sont en train justement d'observer, de se faire leurs propres idées, de se faire leurs propres opinions sur la situation. Je pense qu'il n'y a pas pire pour nos armées aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, parce que là, on se renforce les idées. Et donc, et même les médias, les gros médias qui sont aussi au service de ceux qui commandent nos militaires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Algériens et tous les peuples arabes peuvent aujourd'hui exploiter à fond tous les réseaux, les canaux qui s'offrent à eux pour continuer à dire nous on est en éveil et tout ce que vous dites, nous on ne le croit pas de toute façon, hein, et on est en train de l'observer. Hein. Donc il y a un travail à faire, il ne faut pas désespérer. Il faut justement exploiter ces situations-là pour justement diffuser, et en parler, et prendre conscience, etc. Donc les peuples font leur chemin, eux ils peuvent chanter ce qu'ils veulent. Bon, malheureusement, ils feront des victimes. Bon, bah, très bien, on peut le dire à l'Occident, vous n'avez plus besoin de Hitler pour donner des exemples. On en a des Hitler chez nous, on en a beaucoup. Maintenant, la diabolisation qui s'est focalisée à travers les décennies sur Hitler, elle n'est plus valable. Vous avez vos Hitler à vous qui sont à vos services pour assassiner nos peuples, et quand vous voulez illustrer l'horreur, on vous permet d'exploiter leur image. Allez-y, nous les peuples, on vous permet d'exploiter l'horreur de nos dictateurs et de nos armées. Donc oubliez Hitler. Franchement, celui qui reparlera d'Hitler à partir de cette période-là, c'est que voilà, c'est une nostalgie un peu fofolle. Hein. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On a eu Kadhafi, on a Bachar al-Assad, on a Sisi. Ben, vous avez le choix entre nos Hitler que vous nous avez créés, que vous avez mis sur nos dos, sur les dos des peuples arabes. Ben, maintenant, si vous voulez illustrer l'erreur, ben, on vous permet quand même de les prendre comme exemple. Voilà. C'est mon opinion en tant qu'Algérien. Et je dis quand même à nos amis algériens, à nos amis égyptiens, continuons à diffuser nos idées, continuons à en parler, à contrarier justement tout ce qui est prime comme média, etc. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les peuples sont en pleine conscience. Par contre, on ne l'oubliera pas. Tous nos morts, les enfants, les femmes, tout le sang, on l'enseignera à nos enfants. On enseignera à nos enfants, et sachez juste, et ça je le dis par rapport à l'Occident, sachez qu'un jour, vos intérêts seront entre nos mains. Sachez qu'un jour, vos intérêts seront entre les mains des populations. Mmh. Et là, on saura faire le tri. Là, on saura faire le tri. Parce que de toute façon, ça n'est que périodique. Ça ne peut pas durer et ça ne pourra pas durer. Vous pouvez assassiner nos peuples, vous pouvez prendre nos biens, vous pouvez prendre nos richesses à travers les Taufirs, les Sissis et les Nazars, mais ça ne va pas durer. Et un jour, ces biens-là, nous reviendrons de droit et on aura la décision dessus. Et à ce moment-là, on verra qui en sera de droit et qui le méritera. Parce que de toute façon, la réalité, un jour ou l'autre, va revenir et les biens vont revenir à leurs vrais possesseurs. Et c'est les peuples. Hein, c'est les peuples. Donc, très bien, voilà. C'est très clair. Je pense que tu rappelles là le fait que les Occidentaux soutiennent Gelboudem Kimekoulou, oui. le coup d'État, en bonne et due forme, même s'ils font une gymnastique médiatique un petit peu, et encore, elle est facilement détectable. Oui. Mais en réalité, ils soutiennent ces événements. Ceux qui connaissent le cas égyptien savent que si l'armée elle opte pour des solutions, elle ne le fait jamais sans l'autorisation des États-Unis, si ce n'est sur ordre des États-Unis. Donc ça, c'est clair que les Occidentaux sont complices de ce qui se passe. Mais sinon, tu avais évoqué aussi, je voulais juste poser peut-être cette question si tu me permets. Tu parlais de l'armée et à quoi elle sert. On a vu les Égyptiens, l'armée, elle est vraiment décidée, et on le voit dans sa façon de réprimer. Ils donnent les ordres de tuer, ils tuent à balles réelles contre les manifestants, contre les rassemblements. On voit qu'ils sont vraiment décidés, ils ne sont pas dans, même si leur coup d'État est complètement vidé de son sens et tout, mais ils n'ont pas l'air de faire marche arrière? Et est-ce que on peut pas faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, où l'armée aussi, je pense qu'elle elle est passée comme un tracteur sur les événements. C'est elle qui a elle a conduit les événements en fait, après avoir fait un coup d'État lors d'un processus électoral qui était en cours, un processus qui était normalement démocratique, qui allait donner ce que ça allait donner, mais l'armée elle est intervenue, elle a tout broyé sur son chemin. Est-ce que le cas égyptien n'est pas en train de nous rappeler le cas algérien? À la seule différence, c'est actuellement en Égypte on a beaucoup d'images, c'est-à-dire que les gens ils ont des téléphones portables, ils filment les snipers, ils filment les gens qui sont armés alors que on ne tire pas armes à feu et tout. Avec le cas algérien, dans les années 90, malheureusement, il n'y avait ni portable, ni caméscope, ni... Mais est-ce que ça ne fait pas penser, Annie, à ton avis, au cas algérien? En tant qu'Algérien, est-ce que ça ne te rappelle pas la période avec? Mais tout à fait. Moi, j'ai vécu les années 90 en Algérie. J'ai vécu un petit peu la situation de près en tant que citoyen. En tant que citoyen, un peu plus près peut-être que la normale, on va dire. L'autre fois, j'ai entendu Zineb Azouz intervenir dans une émission où tu intervenais aussi avec notre amie Houssine. Elle disait aussi au départ qu'il fallait pas faire la comparaison entre l'Algérie et l'Égypte tout azimut. Moi, je suis un petit peu d'accord avec elle, mais je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je pense que les deux situations se ressemblent beaucoup. Il y a juste l'époque qui change et les données et les influences extérieures, etc., qui changent. Mais le mode, les influences des puissances, etc., on voit aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui soutient la dictature, qui soutient en même temps les salafistes chez nous, qui les finance, qui leur envoie tout ce qu'il faut pour alimenter leur culture, et en même temps elle est avec la dictature. On voit les États-Unis aussi, la situation ambiguë, donc au niveau de la com, de la communication, ils interviennent pour condamner, etc., etc., mais en dessous de table, c'est eux qui donnent l'accord. En Algérie, c'était pareil, hein. C'était un soutien, on a vu l'implication de la DST, hein, avec nos services secrets, on a vu des politiques français aussi qui ont trompé même le peuple français par rapport à des attentats qui ont été faits soi-disant par le GIA, etc., ou le détournement de l'avion. Certains politiques étaient impliqués pour déformer et gérer une sorte de tromper quelque part l'opinion publique française. Donc il y a des pour les intérêts aussi, hein, pour les intérêts aussi. Donc et le comble. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi que ça nous rappelle l'Algérie. C'est juste qu'aujourd'hui c'est illustré et c'est en direct. Mais et d'ailleurs c'est pas étonnant que Khaled Nazar a salué quand même d'une certaine manière le putsch égyptien, hein, ça doit le rassurer vachement qu'il soit comme modèle de l'horreur et de la trahison de nos peuples. Les gens comme ça, ils s'en sont honorés. On va le voir devant le juge en Suisse, comment il va prétexter qu'il est un non-fumeur et qu'il fait un voyage en Suisse. C'est pas le même discours, hein. C'est pas le même discours entre la manière dont ils parlent à leur peuple et quand ils sont face à un tout petit juge, hein, qui est un fonctionnaire en Suisse. C'est pas la même manière, hein. Ils trouvent des excuses bidons et un petit peu, voilà quoi. Donc, si, moi je pense que c'est le même processus, c'est le même modèle, c'est le même schéma qui est appliqué. De toute façon, c'est pas étonnant. Pourquoi ? Nos armées n'inventent rien de nouveau. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne font que copier et que répéter tout ce qu'ils peuvent faire et tout ce qu'ils savent faire envers leur population. La répression, les assassinats, les tirs, etc. Que peuvent-ils inventer de plus ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos armées dans des pays qui sont moins développés normalement que l'Algérie ou moins riches que l'Algérie? Ils vont acheter des armes, les affaires, ou ils la devise de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, franchement? On est en train de regarder ce qu'ils font à leur population, on est en train de regarder la société, sa dérive, les fuites des richesses, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Taufir? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Nazar? Écoutez Nazar dans ses différentes interventions de Nahar. Moi, je l'ai très très bien écouté à plusieurs reprises, mais il fait pitié, c'est lamentable. Aucune analyse, aucune structure dans le dialogue, etc. Qu'est-ce qu'on peut... Et c'est des gens qui nous gèrent, c'est des gens qui décident de notre avenir et celui de nos enfants. Donc, on peut rien attendre d'eux, hein. L'armée égyptienne ne va pas réinventer autre chose que le pouvoir algérien. Ils sont tous pareils, Cheikh Kadhafi, kif kif. Ils ont que ça, ils ont que ça, ils n'ont pas autre chose. On est loin des armées professionnelles occidentales, à quoi qu'on en dise, hein, mais eux, ils défendent leur population. On est loin d'Israël qui n'a jamais tué ou assassiné ou tiré sur des citoyens israéliens. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il faut oublier Israël, il faut oublier Hitler. Mais schématiquement, hein, franchement, schématiquement, là, nos dictateurs à nous, nos lâches à nous, ils nous ont fait oublier toutes les horreurs. Franchement, il n'y a plus rien à dire sur Israël. Elle n'a pas fait, même aux Palestiniens, Israël a eu plus de tact et d'humanisme, même au niveau juste, par rapport juste aux médias. Par rapport juste aux médias, ils savent gérer pour ne pas montrer qu'ils sont qui font de la répression ou qu'ils sont horribles. Alors que nous, non seulement ils ont dépassé Israël, ils ont dépassé Hitler, ils ont dépassé tout l'horreur du monde, mais en plus, ils ne savent même pas gérer la communication et ils le font devant tout le monde. Bon, donc la situation nous rappelle vraiment l'Algérie. Elle est en train de nous illustrer ce qui s'est passé en Algérie pour ceux qui ont raté le coche et qui n'ont pas assisté et qui n'ont pas vu de près. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, qui peuvent être intellectuels, ils peuvent être avoir des analyses, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont vécu la réalité. Ils ont connu les geôliers, ils ont connu le DRS, ils ont connu l'armée, ils ont subi tout cela. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure analyse que cela, parce que tout était caché. Et c'est pour ça qu'on ne comprenait pas que des gens partent, prennent le maquis, que des gens prennent des armes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Égypte. Regardez les tirs à balles réelles sur des personnes qui lèvent les mains. On leur tire dessus, les balles traversent leur corps. Comment des femmes, des corps sont brûlés. Et vous allez comprendre comment un être humain, je ne vous dis pas de le cautionner, mais au moins de le comprendre. Et l'honnêteté de comprendre qu'à un moment donné, face à de telles situations, on peut prendre les armes. Et c'est pour ça que je dis quand même que l'Égypte, il se pourrait qu'une, peut-être pas d'une manière officielle, les frères musulmans, mais une catégorie des frères musulmans pourrait ne pas supporter et prendre les armes. Et voilà, donc ça, c'est possible. Je ne cautionne pas, mais je le comprendrai. Comme j'ai compris aussi pourquoi certains de nos citoyens en Algérie ont pris les armes. On les a brûlés, on les a torturés, voilà quoi. Rien n'était justifié, tout ce qu'on leur a fait subir. Et bien sûr, ils prennent les armes. Que chacun juste se mette à la place des gens, hein, qui se font mettre leurs organes dans un tiroir ou brûler la barbe avec un briquet ou taper avec plein de choses. Hein. Il faut. Non, c'est clair voilà. Qu'il y a des dangers énormes à cause de cette situation. Exactement. C'est un danger énorme et on connaît aussi comment on peut manipuler la violence, etc. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est très dangereux. Voilà. Il n'y a pas de quoi être optimiste de toute façon, à mon avis. Tout à fait, sauf au niveau des peuples et de l'histoire, parce qu'on voit quand même l'Algérie aujourd'hui comment elle est mise en cause après 20 ans. Donc bon, restons optimistes au moins là-dessus. L'histoire remettra les choses au point. Et chacun sera face à ses responsabilités et même ceux qui soutiennent certains de la gauche, etc. Ils seront face à leurs responsabilités et l'Égypte, on va avoir comme l'Algérie, il va y avoir l'armée qui va commander, les gauchistes et les libéraux, etc. Ils vont être mis au second plan. Ça va être des marionnettes manipulées. Ils n'auront aucun mot à dire. Ça va être l'armée et personne ne trouvera son compte de toute façon. Que l'armée. Ouais. Voilà. Très bien. Très bien, merci beaucoup, Khoya Sherif. Merci à toi, Khoya Aziz, merci beaucoup. Et puis, tous mes encouragements et mes félicitations pour ce que tu fais. Et je demande à tous les Algériens, à tous nos citoyens de réagir et de réfléchir sur les questions et de participer. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Khoya Sherif. À très bientôt, tu interviens quand tu veux, Khoya. À très bientôt, à Texas, Khoya. À Texas, merci. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik, Khoya. On est en direct. Oui. Ça va, Samir? Ça va, merci beaucoup. C'est l'esm tag, c'est quoi? Parce que là, c'est Algérie Selm. Oui. Selm, ah oui, d'accord, ok. Ben, ça va très bien, merci beaucoup pour l'appel. Nous sommes en direct, on t'écoute. Hein. Le sujet, c'est l'Égypte. Comment? Masr. Ouais, très bien, ouais, exactement. Le sujet, c'est les événements en Égypte. Ben, les événements en Égypte, ils sont clairs, je pense que tout le monde les connaît. Il y a une armée qui est en train de tuer les gens avec un alibi de la démocratie, bien sûr. Ce qu'ils ont fait, presque tous les armées, les pays arabes, les pays maghrébins, Comment analyser la situation? Pour quelle raison l'armée dans ces pays-là, à chaque fois, elle intervient et elle se donne l'autorisation de tuer les gens, et même la police de réprimer les manifestations? En fait, ça revient à l'histoire de ces pays arabes et maghrébins après l'indépendance. Donc, la faute ne revient pas à ces militaires ou ces... Ça revient aux intellectuels qui vivaient dans ce temps-là, parlant de prendre l'Algérie plus qu'aux Algériens. Nos intellectuels-là, ils ont laissé faire les choses. Donc, c'est simple, il y avait un dictateur, il a pris le pouvoir, il a liquidé tous les militants, les intellectuels. Et du coup, les gens, ils regardaient, ils étaient comme ça, ils ont dit, oui, c'est notre leader, c'est machin, donc... ils ont perdu le système. Donc, du coup, la plupart des gens accusent Nzar et compagnie. Donc, et ce fameux tout-faire qu'on ne connaît pas. Donc, et c'est des gens, en fait, qui ont vu que ce peuple, en fait, il ne cherche pas à comprendre les choses. Il est toujours... il accepte tout, quoi. Il accepte tout, tout simplement. Et du coup, ils sont en train de suivre la tradition. Donc, tout ce qui est passé dans les années après l'indépendance, et notre peuple algérien, donc on fait partie bien sûr, son malheur, c'est qu'il ne cherche pas à connaître l'histoire. Il te dit à chaque fois qu'il y a des mensonges dans l'histoire, alors qu'il y a plein de personnes qui ont sorti des livres, mais il ne cherche pas à lire. Et le problème, c'est que, comme il a dit Churchill, un peuple qui ne connaît pas son histoire, il se condamne à le vivre, à la revivre, je veux dire. Donc, du coup, on est en train de revivre les mêmes histoires qui s'est passées après l'indépendance directement et pendant l'indépendance. Donc, parlons de liquidation de la Balombane, parlons de tout. Et même certains de nos révolutionnaires, qu'on dit révolutionnaires et qu'ils étaient assassinés après, comme par exemple Kimbel Qasem et compagnie. Donc, Kimbel Qasem, c'est parmi les gens qui a accusé ces déserteurs de l'armée française en Algérie. Donc c'est parmi les gens qui les a ouvert les bras. Et après, il a été liquidé. Et à ton avis, est-ce que... Donc, chaque personne, en fait, qui n'est le Kamat... Oui. Pardon, non, je te laisse finir, Khoya, excuse-moi. Donc, le Kamat Soudin, le Soudin. Donc, on est en train de revivre la même histoire. En Égypte, je suis pas d'accord sur une... J'ai écouté ça plusieurs fois, que c'est le même scénario algérien. Moi, je ne vois pas que c'est le même scénario algérien. Déjà, le parti islamiste en Égypte, c'est un parti politique qui existe des années, et c'est un parti qui a un programme. Donc, il a eu le pouvoir par la voie des urnes. Le fils en Algérie, il a été fabriqué de toutes pièces. Il a été... depuis 1962. Donc c'est un parti en fait qui est infiltré avant qui sort dans la rue, qui constitue un parti. C'était des gens en fait qui travaillent au sein des associations et ils ont infiltré le FLN, et c'est eux ces gens-là qui ont poussé la police à réprimer les manifs des berbères en 1980. De toutes les manifs des berbères, c'est eux qui les ont réprimés. Ils ont sur la police à faire ça, et leur but c'était quoi? C'est de réprimer cette population qui était laïque, qui était indépendante, qui cherche à avoir l'indépendance en Algérie. Et cette population-là, elle déteste automatiquement la police, le monde déteste la police, et donc ça arrive le point, ils ont préparé pour y arriver, pour sortir et pour dire voilà, nous on est un parti islamiste. Dans les années 90, ils ont profité des manifestations de 1988, et en sortant la rue. Et voilà, ils ont eu le pouvoir, mais le peuple algérien, en fait, il n'a pas voté pour eux. Ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Ils ont gagné les élections municipales. Ils ont montré un désastre énorme, une dégradation totale pendant un an. Donc le peuple, il les a compris, et même leurs militants de base. Je pense que les informations... Excuse-moi juste, si je peux me permettre de couper vite fait, juste sur cette information. À mon avis, elle n'est pas juste, ce que tu es en train de dire, Achouar. Parce que, c'est-à-dire, en termes d'élections, puisque tu parles d'élections, il y a eu en Algérie les premières élections municipales. Ensuite, elles étaient suivies par des élections législatives. Et il y a eu un premier tour législatif. Après, il s'est arrêté. Il n'y a pas eu deuxième tour. au premier tour des législatives, ils avaient été, ils ont eu une majorité. C'est pas une majorité totale, mais ils ont eu une majorité relative. À l'Assemblée, ils avaient déjà acquis beaucoup de sièges. Bah, il fallait attendre le deuxième tour. Mais c'est les gens qui les ont élus. Oulala, c'est, on peut pas dire le contraire, non? Alors, oui, là on va dire une chose. Ils étaient eus le premier tour, je suis d'accord. Si tu peux te rapprocher du micro, Roya, parce que je t'entends pas bien. Hein. Si tu peux. Ils étaient eus le premier tour. Ouais. C'est bon? Là c'est mieux, c'est mieux. Donc, ouais. Le premier tour. Là je suis d'accord. Donc c'est bon. Les partis, de les autres partis, en fait, ils ont vu que l'État elle va y aller vers. Ce qu'on appelle, organisation de l'Algérie, quoi, en général. Parce qu'on entendait très bien les prêches de Ali Belhaj, Bassem Madani et tout. Non, quand je dis ça, je justifie pas l'intervention du militaire. Je justifierai jamais ça. Ouais, sinon, parce que on aurait pu dire la même chose de l'Égypte, on va dire aussi que, voilà. Je peux même aller plus loin que les militaires, ils ont favorisé ces gens. Mmh. Ils ont favorisé pour qu'ils... pour pouvoir et pour avoir une légitimité d'intervention. Ce que nous racontera l'histoire dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Mais, à mon avis, d'après une petite analyse que j'ai faite à travers les livres que j'ai lus, donc je pense qu'il y a, en fait, une favorisation de ce parti-là pour gagner. Donc, ils ont laissé tout. Donc, il y avait... je sais pas, il y avait un scrutin à la majorité, c'est ça? Donc il n'y avait pas un scrutin proportionnel, il y avait la majorité, donc je sais pas, je dis complètement le terme. Donc ils ont essayé de faire les choses, et en fait, les gens, après la première élection, donc les gens, ils commençaient à comprendre que ce parti-là, en fait, il ne va rien fabriquer à l'État. D'ailleurs, d'après leur expérience dans les municipalités, ils ont rien fait à part fermer les théâtres, à part interdire la mixité, à part faire ça. Donc les gens en Algérie commencent à comprendre ça. Donc automatiquement, il y avait un absentisme énorme. Donc, sans parler de vote des gens par autorisation, le mec qui prend le butin de sa femme, de sa grand-mère, de ses parents, il va voter pour eux, fils. Donc, ok, on va dire que ça fait partie des élections. Mais malgré tout ça, en fait, ces gens-là, ils ont profité de cette situation et de la faiblesse du peuple algérien pour gagner ces élections. Et comment analyser cette situation-là? Donc après, il y avait l'intervention du militaire par la demande d'être parti à leur tête, le RCD, et certains intellectuels algériens, parce qu'ils ont vu que ça va tomber dans le chaos total. Donc c'est comme si les militaires, en fait, ils étaient contents que ces gens-là ils viennent vers eux, et ça leur a donné plus de légitimité pour intervenir. Donc, ça ressemble au cas égyptien, hein. Oui, les Tamaloud, oui. C'est un peu... dans ce cas-là, en fait, ce que ça a été provoqué, mais ça a été provoqué en Algérie, mais en Égypte, ça n'a pas été provoqué. En Égypte, Morsi, il a gagné. Donc, quoi que je dise, moi, je suis contre les islamistes à 100%. Je suis un pur udien. Allô? Oui. Parce qu'il y a des coupures. Il y a des coupures. Hein. À un moment, il y a des coupures, on ne t'entend plus. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit précédemment? C'est que l'armée, par son intervention, elle a sauvé une autre fois les islamistes. Elle les a sauvés une autre fois. Parce que c'est vrai qu'elle est en train de les réprimer. Mais le monde entier sait très bien que c'est Morsi qui a gagné. Ils ont tout. Ils vont avoir tout le temps la légitimité. Tout le temps. C'est une réalité. Donc, pour dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe en Égypte, on est complètement contre. Et les militaires égyptiens sont, et certains militaires égyptiens et certains polices égyptiennes, ils sont devenus des terroristes. Et terroristes, quoi, pour tout le monde, quoi. Donc, on peut rien dire de tout ça. Mais c'est le même cas pendant la décennie noire en Algérie. C'était le même cas. il y avait une partie des militaires, une partie de la police, une partie de l'appareil sécuritaire en général qui s'est transformé en terroriste, en escadron de la mort. Et en fait, ils tuaient les Algériens, ils disaient que c'est des terroristes qui les ont tués. Donc, c'est un peu le cas ce qui se passe actuellement en Égypte. Et en fait, l'armée égyptienne elle prend le même cas de ce qui s'est passé pendant la décennie noire. Donc, le problème, il est où? Le problème, il est dans notre façon de former ces militaires et cette police. Un militaire, un soldat en Algérie ou bien en Égypte, ou bien en général dans les pays arabes, quand il rentre dans l'armée, quand il s'engage, la première chose qu'on lui dit, que c'est son commandant qui est son chef, que c'est son supérieur direct, si c'est lui son chef. Alors que dans les armées des pays démocratiques, quand on parle du chef, on nomme directement le président de la République. Et c'est ça la différence. C'est comme si on détache ce soldat de l'appareil militaire. On le dit clairement et simplement que ton premier chef, c'est le président de la République. Et c'est le chef de ton chef. C'est le chef de ton chef et de ton supérieur. Et c'est lui, en fait, le chef des armées. C'est ça la différence. Alors que nous, dans nos pays, en fait, c'est le chef, c'est bien le général, c'est le commandant, c'est machin. Hein? Donc, même au niveau de la formation, c'est le problème, il est là, c'est au niveau de la formation de cette armée-là. C'est ça le vrai problème. Sans parler de l'effet historique, que c'est l'ANL qui a sauvé l'Algérie, que c'est le parti, les nationalistes qui ont fait le coup d'État pour avoir un État démocratique en Égypte. C'est toujours pareil. En fait, c'est une histoire qui suit. Et le malheur, c'est qu'on tombe toujours dans la même erreur. C'est cette formation de nos armées, de nos polices, qui en fait, qui respectent pas leur éthique et qui se prennent toujours pour des gens qui s'autorisent tout et qui peuvent tuer, qui peuvent torturer des gens. Donc, ouais, on le voit en flagrant délit aujourd'hui en Égypte, on l'a vu qu'en Algérie, et c'est toujours la même chose. Le malheur, ouais. Il est là. Merci. Merci beaucoup, Khoya Teksaha, pour l'intervention. De toute façon, c'est très clair. Les gens qui sont d'accord, ils peuvent appeler. Les gens qui sont pas d'accord, ils peuvent appeler. Ça se discute. Il y a aucun problème. Tous les avis sont respectables. Tu peux rappeler quand tu veux, Khoya. On va essayer de laisser. J'ai vu qu'il y a des appels et tout. Je vais essayer de laisser aussi un peu les autres s'exprimer. Ouais. Oui. Je pourrais dire juste une petite minute. Hein. Ça vous permettait. Ce qui s'est passé en Algérie, on ne parle pas de l'Égypte et de ce qui se passe en situation, en fait, du fameux ce qui s'est passé pendant le Ramadan, ce déjeuner en public. J'ai suivi tes commentaires, tes vidéos quand tu parles de ça. Donc, je voudrais juste dire qu'il faut avoir un avis tranché. C'est l'une des problématiques en Algérie, c'est qu'on n'a pas de tolérance vers les gens. Si c'est pas... C'est un truc, ces gens-là, ils étaient poussés à manger par l'intolérance des gens, et en fait, après, on les a accusés de provocateurs. Si ces gens-là, ils mangeaient tranquillement, il n'y a personne qui les embarquait dans les commissariats, il n'y a personne qui les insulte, est-ce qu'ils auraient dû faire ça? Ils n'auraient jamais dû faire ça. Donc, il faut avoir un avis tranché, il faut dire qu'on n'a pas d'intolérance en Algérie, que chacun veut commander l'autre. Et ça, c'est parmi les choses et les instruments de pouvoir algérien pour contrôler cette population, pour la diviser. Et du coup, à chaque fois, ils réussissent à faire ça. Très bien, très voilà. Bien. C'est dit, c'est tranché. À Texaha, de toute façon, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais c'est très bien de le préciser. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ça. Ou là, une autre fois, si tu peux appeler, on pourra laisser développer le sujet sans problème. Et merci Samir et bon courage. Merci à toi, Texaha Khoya, à très bientôt. Merci Khoya pour l'appel. Selm, qui intervenait donc en direct sur Radio Chicha. Si vous voulez participer, Khaouti, c'est sur Skype, Chicha DZ. Je m'excuse auprès des gens que j'ai pas pris lors de l'intervention précédente pour ne pas couper les gens au milieu. J'essaie de laisser s'exprimer comme ça. On prend un autre appel. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Khoya Halim. Moi, je t'entends pas. Je sais pas si interact smash, mais un amen smash. J'entends rien. Khoya Halim, si tu m'entends, il y a un problème de son, là il n'y a pas de son. Peut-être qu'une terre est mafia. On essaye, si tu essaies de rappeler Khoya Halim, parce que là ça passe pas. Allô? Allô, allô, Halim? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik Khoya. Tu m'entends? Allô? Allô, oui, tu m'entends? Allô? Tu entends Khoya Halim, tu m'entends? Allô? Allô, allô, moi je t'entends, hein. Halim, allô. Halim, tu entends? Je pense qu'il y a un petit problème de son. Il va, allô. Il vient en fait. Allô, allô, tu m'entends, Halim? Voilà. J'essaie de prendre un autre appel. Ah, on reprend Halim, hein, si tu permets, Khoya Mouloud. Allô? Allô? Allô, oui, moi je t'entends, hein. Moi je t'entends, Halim, hein. Allô, allô, Halim. Là, je t'entends plus. Est-ce que toi, tu m'entends? Si tu peux m'envoyer un message texte par Skype, on va essayer de voir ce qui se passe. On va essayer de prendre un autre appel. Ah, Khoya Mouloud, il a raccroché. Donc, il y avait un autre appel, mais il a raccroché entre-temps. Comme vous le savez, le sujet Tana, c'est les événements en Égypte. On prend Mouloud. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba bik, Khoya Mouloud. Aïsik Samir, Khoya, ou Sharak Labas. Ça va, et toi? Alhamdulillah, Aïdik Moubarak, Kul Am, merci, merci beaucoup, toi aussi, Aïd Moubarak. Merci, Rabbi, Hafdouk, Inch'Allah. Merci pour l'appel. On t'écoute, hein, on est en direct. D'accord, ça marche. Très bien. Donc, Aïd Moubarak à tout le monde et. Bien que on a eu cette fête religieuse qui devrait normalement se passer avec bonheur, tranquillité et toutes les bonnes choses qui devraient être avec, on est en train malheureusement d'observer une autre folie. Qui est en train de se passer actuellement en Égypte, un autre bain de sang, une autre dans la longue histoire, dans la longue liste de notre histoire, surtout histoire arabe et je dirais musulmane peut-être quelque part. Je tiens à tarham ala nas hadou msakin, c'est vraiment malheureux. Bien que, enfin bref, Rabbi Arhamoum Boukoulou, parce que, enfin, Dark Samir, nahkiou ala le problème de l'Egypte ou j'gadi Sarah, c'est ça? Ouais, ton avis s'il te plaît, ouais, alors. Actuellement, d'accord, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, hna Darka, est-ce que nahkiou ala les raisons tactiques ou nahkiou ala les raisons objectives et effectives de le cas hada li gadi sara fi l'Égypte. Kan nahkiou ala la raison tactique ou li kan inchaï. Hom habin yedzou li musulmans bach yerjouhom l'ikhwan muslimin bach yerjouhom terroriste, hom hadi kam darou kima fi l'Jazair fi l'tsaïnat. Hom tsma hna chghol draka gadin, on est en train de tourner dans un cercle. Et on n'est pas en train de parler réellement du problème Ninarahoujaï. Parce que Anna, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que Anna n't'allem le mouchkel hada. Bech redoua, menzich, je ne vais pas le répéter. Je vais apprendre de mes erreurs pour ne plus les répéter. Je ne sais pas si tu partages mon avis, Samir, dans ce sens. C'est, à mon avis, c'est important. Il faut tirer des leçons dans toutes les expériences. Il faut apprendre pour ne pas les répéter, surtout quand elles sont dramatiques. Hein. Barakallahu fik. Donc, Anna, j'ai vu un débat que tu avais posté de la chaîne Ta'arachet, je crois, où tu étais invité, toi Et monsieur l'Arbi Zitou, tu es une autre personne avec toi. Je n'ai pas retenu son prénom, madame Zineb de Constantine. Oui, qui est, oui. Qui est prof universitaire. De... Zineb Azouz. Ouais. Zineb Azouz, madame Zineb Azouz, qui m'a réellement impressionné par son intervention. Bien que chacun a développé, a donné son point de vue sur ce qu'elle a dit, ouais. Sur ce qu'elle a dit, mais Anna, je trouve que la dame a dit, rahet guest l'oubl maudoua, si tu permets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle, à ton avis, c'est quoi qu'elle avait abordé, juste pour rappeler pour nos auditeurs, Béchifem, ou parce que eux, peut-être, ils n'ont pas vu l'émission. D'accord. Donc, ce qu'elle avait abordé rapidement, brièvement, c'est que. Le problème qui se passe en Égypte. Il n'est pas au niveau idéologique, elle a dit pour commencer. D'accord ? Mm-hmm. Il est au niveau politique. Mm-hmm. Par exemple, elle a cité un exemple, Fouch Saraf al-Jazair dans les années 90. Gelt Billy, Nhar qui sera l'inquilab à l'Alfis, Kane des partis islamistes, et non seulement laïcs, parce que Hana, on montre toujours du doigt les laïcs. Kane des partis islamistes, mais non, Hamas qui est une branche, les frères musulmans. Les dخلت في la combine مع les putschistes, les généraux. Hado c'est les salafiyin تاع حزب النور. حنا دركا ولينا في لو كا تاع السلفيين تاع حزب النور. Alors tout en sachant بلي الفيس في حد ذاته في الوقت هذاك c'était un conglomérat de plusieurs partis islamistes dont le plus la partie la plus cristalline يعني la partie les تبان فيهم c'était le parti salafiyin qui était représenté par Ali Belhaj. Mais attention, je ne suis pas en train d'accuser Ali Belhaj ou là de dire que c'est juste ou c'est pas juste ou là. J'essaie de rapprocher la vision تبلي ce n'est pas une question d'un combat idéologique en lui-même. C'est-à-dire que هادو لي لايك اللي دخلوا مع السيسي وصحابو ماشي parce qu'ils sont l'idéologie تاعهم لي لايك que راهم systématiquement يحبوا يسوطيو les islamistes. هذه الحاجه الاولى اللي حبت تبينها مدام عزوز. سي بريون سي اون اناليز تري بريونت. الحاجه الثانيه حبت تبين باللي سي la soi-disant démocratie, parce que j'ai pas envie de m'étendre dans tout ça, de donner des définitions. Je le ferai sur ma chaîne YouTube personnellement, on met des définitions. Si la démocratie, la soi-disant démocratie a échoué en Égypte, ce n'est pas seulement les putschistes qui emportent le fardeau. D'accord, c'est bouché, c'est de la haute trahison à la nation, des militaires, l'état-major, les hakims. Ce n'est pas de la faute, yani, à 50, totalement de la faute de l'état-major égyptien, mais c'est aussi la faute des frères musulmans. Je dirais, Samah Lia, peut-être que ça devrait choquer quelques personnes, c'est en majorité la faute des frères musulmans. Ça ne veut pas dire Billy Hadou qui sont innocents, alors là, pas du tout. D'accord. Dans le cas, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, Kimaf, les années 90, l'enjeu c'était l'effondrement du bloc soviétique et que le but d'une certaine intelligentsia algérienne c'était de passer du côté socialiste au côté capitaliste, alors qu'il y a eu des opportunistes qui ont pris la tactique, la petite mécanique, le capitalisme qui devait être profité aux Algériens, bien que c'est faux, hein, la démarche elle était fausse, hein. on est d'accord, ma démarche tel, le putsch militaire était fausse. Mais les opportunistes, ils ont pris la fausse raison pour s'approprier toutes les richesses parce que c'est ils sont profondément corrompus et criminels dans l'âme. Et c'est des traîtres de haut niveau. C'est mal les ouch les Arabes madaro, je m'allais sioniste ou madaro, je m'allais américain ou m'allais daro. Tu vois. Mais justement, comment tu vois la responsabilité tal Erwan? La responsabilité tal Erwan. Alors, il m'avait semblé que j'avais intervenu la dernière fois, que j'avais un peu développé le problème. Donc, Anna, je vais poser trois questions que j'avais posées précédemment dans une vidéo que j'avais faite. C'était les trois questions, Ado. Déjà, le soual loul. La banna belli fi Souria, kayen un conflit kbir. D'accord. Très bien, très bien. D'accord, on a un conflit. Quand on a un mouarda, on a un nidam. Ou la descente aux enfers est effective, ou on a un nidam. Ou je vois le premier réflexe, c'est que tu as le dire. Démocratiquement élu ou pas démocratiquement élu? Ou je te rends dire? Tu rends. Tu as vu ce qui fait le bain de sang, hein? Et tu discutes avec les deux côtés pour qu'ils se mettent d'accord sur progressivement sur un changement en Syrie. Je sais pas si tu me suis dans ce raisonnement. C'est-à-dire je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris. C'est-à-dire juste non. Sur le cas égyptien, parce que c'est vrai, on peut faire des analogies, des comparaisons, c'est vrai. Mais juste sur le cas égyptien, comment la responsabilité, elle est celle des islamistes? En quoi c'est leur responsabilité ce qui s'est passé, même si c'est pas pour défendre les putschistes, ça c'est clair. D'accord. Non, justement, Anijaïk, pas par pas, pour justement arriver à te démontrer où est Narham Ghalten, les frères musulmans, si tu permets. Et j'aurais fini d'ici 3-4 minutes pour laisser les autres parler, c'est pas un problème. Donc, Darka, tu as où je dire? Qui m'a les frères musulmans? Normalement, Morsi ou l'Al-Ghannouch, ils étaient démocratiquement élus. Ça ne va pas en Syrie. Nous parlons du cas de la Syrie précisément. Donc, nous faisons quoi? Pourquoi nous ne parlons pas du cas du Yémen ou ainsi de suite? Bien que ça devrait être comme ça. Nous avons une tiara, nous allons parler de ça avec Bachar al-Assad. Nous disons, voilà, on va essayer de régler le problème. Nous, maintenant, nous faisons totalement le contraire. Nous allons parler de la politique extérieure des frères musulmans. Vous ونحب نوصل واش قال لك راحوا جابوا الجماعه تاع السعوديه والوهابيه دخلوهم في في الكونفلي هذا قال لك روحوا ديروا الجهاد والنفير العام وكلش ils ont créé une porte sama shghol ils ont créé une porte vers l'enfer parce que الحاجه اللي قادره تصرا في البلاد اللي par rapport هما comment ils ont procédé. L'haja li tsara f li gadin yidiru fiha, elle peut se retourner contre eux. Fantni, c'est très dangereux. Parce que علاش نحكيو على سوريا درك les frères musulmans, ils sont pas allés dans ce sens ou علاش? Parce que gadin yimchiou ma la grande lignée تاع la politique extérieure américaine. Ils sont en train de favoriser plus la politique extérieure américaine que la politique russe, sino-russo-iranienne. Ça démontre que les Marahams sont dans l'axe des Iraniens et les Russes, ils sont dans l'axe américain. Donc, quand tu entres dans l'axe américain et tu découvres les Américains et tu leur fais confiance, حك تولي اللعبه تاعهم تولي لو بيون تاعهم يديروا بك واش تحب واش يحبوا هما. هذه الحاجه الاولى. داكور. الحاجه الثانيه لا دوزيام لا بروميير كيسيون كي هما ايزون ديكلاري الجهاد في سوريا والنفير العام بلي alors qu'il y a des gens, des enfants et des femmes qui sont en train de mourir alors qu'ils auraient dû aller calmer la situation et rentrer dans une nouvelle alliance avec les Russes, les Iraniens, pour se renforcer, et avec les Syriens, pour se renforcer leur position, ils demandent maintenant, oui, Sidi Ahmed, ça demande avec les Américains, ça demande aussi avec les Russes, ou avec les Iraniens, ou avec les Chinois. C'est la première chose. باش كي يضربك الامريكاني ويحب يطيحك تلقى روحك من لوطر كوتي الناس يعاونوك هذه الحاجه وعلاه كي ديكلاراو جهاد اسيديهم ديكلاراو جهاد على سوريا ها صرا المشكل في مصر يا اخي ني با بيان ديفيرون كو سولوي دو سوريا وعلاش ما بوركو يديكلار با لو جهاد بو اون ايجيبت بور كومباتر ديكتاتوري هذا سيسي لو سالوبار هذا وعلا ما يديروهاش tu vois ها لا كونتراديكسيون كبيره بزاف هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه كان مشكل في البحرين داكور مشكل هذا في البحرين اون لو سي تو لو موند لو سي بدات بداو دي ريفولت في البحرين يا 2 3 زون بداو قبل سوريا فوالا سكي دانك دون دون ليستوار بداو قبل سوريا الور اسمو القرضاوي كي لو ماتر ا بونسي دي فرير مسلمان باسكو سي ان فرير مسلمان d'accord, qui est on peut dire l'un des symboles et l'un des pères spirituels des frères musulmans. Donc au Sharh Gal, le mouchkoul rahou ta'ifi. Tout en oubliant de dire que les 80% dans le Bahreïn, des Bahreïniens sont des chiites. C'est ce que nous avons dit, la révolution. C'est une révolution d'obédience démocratique. Yani gad dir la révolution bach tahab tjib nizam el hukm démocratie fi bladek w nizam el hukm démocratie wach yqoul yqoul la majorité hiya li tahkem la minorité w el bahreiniyin c'est une 80% je pense que c'est largement une majorité fi el bahrein huwa rajahom ارجعهم une minorité parce que ta مشكل طائفي واش يجي بين une majorité حاكمه une minorité حابه تدي البوفوار تما هذيك الطائفه صغيره هي اللي حابه تدي البوفوار فهمتني درك alors que constate que 15% de sunnites في البحرين هما اللي حاكمين في لي 85% تاع الشيعة اللي في البحرين هو راح يديتيرمينا قال بلي ستام ان بروبليم طائفي وعلاه ما ديكلاريوش الجهاد باغ اكزومبل وعلاش باسكو الناس هادو سمير الناس هادو يخموها افيك اون لوجيك مقفوله بزاف افيك اون فيزيون مقفوله بزاف يخدموا يخموا يفكروا طائفيا مذهبيا تسمى نعاونوا وين كان السنه نعاونوهم وين كان الشيعه نعاونوهم ما نعاونوهمش اون لي زيكراز وعلاش هادي بكل باش تولي لا ريجيون التم هذيك لا ريجيون تاع لو موين اوريون بكل ماجوريتي حاكمين فيها لي سونيت العراق سي لا ميم شوز سي اون ماجوريتي سي لا ماجوريتي التم سي دي شييت هما نو حابين يفرضوا الواقع باللي لا ماجوريتي سي دي سونيت اللي لازم هما يحكموا شوف فوا تما الناس هادو الاخوان المسلمين يعني نحب نوصلك لو بوين نحب نوصلك ليه يفكروا بلا فاصون هادي يفكروا بلا فاصون تما عندهم حلال وعند الاخرين حرام ايه مي اسكو تو بونس كو سي تو بيرمي هادي هي لا فيزيون هادي هي اللي وصلتهم البلاصه اللي وصلوا ليها هما دوك نفهمكوا علاش دوك نروح لك لان تروازيام بوين رابيدمون تري رابيدمون قال لك كانوا لي زاميريكان يعاونوا فيهم وكانوا يقولوا لي امريكان مبعوثه من الله كما يقولها القرضاوي وكي كانت الاخرى يقول صديقي في اسرائيل على لو بريزيدون اسرائيلي نقول له صديقي مرسي يقول لو بريزيدون اسرائيلي صديقي ماشان تروك جو سي بلو كومون يسابيل بنيامين نتنياهو ولا حاجه كيما هكا ولي امريكان كانوا معاهم وكانوا يعاونوا في تما بلوز او موان يعاونوا فيهم يعني ماشي مع سي لا بودغ سور لي زيو كي كانوا اسكوز موا جوست ان تروك دو لوجيك السعوديه نعم Ouais, excuse-moi, ouais, excuse-moi de t'arrêter. Juste une question par rapport à la logique, parce que dans ma tête, ça, je trouve pas de réponse, même si tout ce que tu dis, je pense, sur la scène internationale est juste, à mon avis. Juste quand on dit que les frères musulmans ont soutenu les positions américaines, etc., pourquoi il y a ce coup d'État alors contre eux en Égypte? Puisque c'est ça la question. La question, la responsabilité, elle est à qui? C'est la responsabilité des islamistes. Smaïtek Yani, tu as rappelé la situation internationale, mais en quoi les islamistes sont responsables, sachant que les Américains soutiennent les islamistes et les islamistes des frères musulmans plutôt sont dans le bord américain, et pourtant on assiste en direct actuellement à un coup d'État en fait en réalité organisé par les Américains. J'ai l'impression que ça contredit un peu la théorie taqoul. D'accord, c'est très simple. Tu vas tout simplement fais ta propre investigation pour voir les relations américano-frères musulmans sur la durée de ces dernières deux années. Ndirlek chouf tahab ndirlek moulakhas ou ndirhoulek fla chaîne taï YouTube ou mbadlek la vidéo, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème, c'est pas pour refaire l'histoire, etc. Non, juste, en plus on doit essayer de faire un petit peu court, j'ai vu qu'il y a eu d'autres tentatives d'appel. Mais sinon, juste, moi je te dis, comment on peut dire d'un côté que les Américains soutiennent les frères musulmans, et de l'autre, on voit en réalité comment il y a un coup d'État contre les frères musulmans. C'est la question, c'est pas pour refaire toute l'histoire, etc. J'avais expliqué ce problème dans une intervention il y a 15 jours là, la radio Taqbad. Et j'avais donné des informations en disant les frères musulmans n'ont pas eu l'influence nécessaire et n'ont pas la logistique, si je préfère, ils n'ont pas la logistique et l'influence nécessaire dans la région, comme l'armée égyptienne. Donc, ils ne sont pas, si tu veux, ils n'ont pas le minimum syndical pour pouvoir, ou l'organisation nécessaire pour Bachir Kadr représenter les intérêts américains qui m'habitent comme l'américain. Et comment on peut dire alors que les Américains les soutiennent, etc.? Comment dire que les Américains les soutiennent? Rachouf les contrats leaders américains pour créer des usines féminines à l'Aris, je crois, ou là, je ne sais plus. Rachouf les contrats leaders américains. Rachouf les contrats stratégiques leaders américains pour sauvegarder les accords de camp de David. En fait, ils ne représentent pas. Ils ne sont pas. La CIA, ils battent les gens, ils jahdou. Ils ont le nafir l'âme. D'où ils l'ont annoncé. Tu sais la gravité de. Qu'est-ce que ça veut dire le mot nafir l'âme? Sa gravité, la théologie islamique est un wasla. C'est le djihad total, complet. D'où ils l'ont annoncé? Ils l'ont annoncé du sol égyptien, avec l'aval de Morsi. Et tout ça, ça travaille les intérêts des États-Unis. Mais ils ont fait un coup d'État contre eux, ce qui est un peu une contradiction, ce qui cache un peu, à mon avis, d'autres réalités qui ne relèvent pas de ce qu'on dit, en fait, par rapport à tout ça. On peut les accuser d'être effectivement des. On l'a vu quand ils ont eu le pouvoir pendant un an, même si on ne peut pas juger quand même parce que c'est une situation extrêmement particulière, c'est une phase de transition où les frères musulmans n'avaient pas la main sur tout ce qui se passait. La preuve, ils ont réussi à leur faire un coup d'État parce qu'ils n'avaient pas la main sur l'armée, ils n'avaient pas la main sur les services de sécurité, etc. Mais c'est vrai que le pouvoir des frères musulmans n'était pas mouadi l'américaine, du moins le qiyadet. Peut-être que la base mouadi est les plans américains, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'on peut retenir. La borne idéologique, mais tu vois ce que je veux dire plus loin, ce que je veux dire, chef, ou ce que je veux dire. Mais n'empêche qu'on a assisté quand même à un coup d'État fait par les Américains, alors qu'on reproche aux frères musulmans leur relation avec les Américains. Donc je pense qu'il faut relativiser quand même, parce que la réalité, elle est là, elle est têtue et elle s'impose à tout le monde. Mais bon, ton point de vue est bien sûr le bienvenu, il n'y a aucun problème. Samir, pour terminer rapidement, donc on a le micro. Il y a eu d'autres appels là, j'ai laissé passer, mais bon, je m'excuse auprès des auditeurs, ils peuvent rappeler dans quelques minutes, il n'y a pas de problème. Je vais terminer brièvement. Donc, c'est une contradiction. Ah ouais, il n'y a pas de problème. C'est au contraire, il vaut mieux les avis comme ça. Voilà, chauffe. Tout le monde sait qu'ils ont de bonnes relations avec les Américains. D'un autre côté, c'est pas logique. Pourquoi les Américains les ont foutus dehors? Donc, qui a un homme de bonnes relations avec les Américains? Ou s'il y a la raison c'est qu'il y a soit une raison matérielle ou soit une raison idéologique. À mon avis, idéologiquement, moi c'est ce que j'ai dit déjà autour de moi, c'est un avis personnel, les gens qui nous écoutent ils peuvent avoir un autre avis sur ça. Mon avis, c'est que très rapidement, il dit une sorte de contradiction qu'il y a au sein même l'Ikhwan. C'est-à-dire, en fait, la direction de l'Ikhwan, Mishmoadia, l'Américaine, elle se positionne, elle peut faire des relations stables avec les Américains et avec les intérêts américains dans la région, etc. Puisque c'est les Américains qui financent tout dans le coin et qui financent l'armée en premier. Le problème, c'est que avec le temps, il dit une contradiction avec la base, parce que la base tal ikhwan, les islamistes, tous les bords en fait, c'est des gens mouadiyin, les intérêts américains, mouadiyin, les intérêts israéliens et sionistes. Il dit à un moment où je pense que les Américains savent que madhumch un intérêt avec les islamistes. Si les islamistes ils prennent le pouvoir, et il va y avoir un moment où la base, elle va imposer à la direction, par exemple, de rompre les accords de Camp David, etc. Ce qui va être en contradiction avec les intérêts américains. Autrement dit, juste en une phrase, c'est que les intérêts américains, ماشي مع الإخوان, les intérêts américains, راهي مع الأنظمة الدكتاتورية تاع الصوفية العسكرية, avec l'institution militaire. On l'a vu ces derniers jours avec le cas égyptien. Sauf Samir, très rapidement, parce qu'on va jouer au tennis, Anamiak, tu vois. Anamagach, je défends Hadoukni, Anaganahdar, j'essaye d'être productif et de donner une réflexion autant que je peux. Chauf, sinon, la bouffe tennis, ou Yanimatrosh, tu vois, Anamagach, Nkemel Boucha, Rahangoul, Tamatrosh, tu peux pas conclure. Tsmana, je vais conclure, et après j'arrête, tu vois. Il n'y a aucun problème. Non, je te laisse, c'est à toi de donner ton avis. Barakallahu fik, chauf. Ou tu peux répondre, il n'y a pas de souci, hein, normal. Chauf, Samir. Donc, on t'a dit, d'accord. Anna, je vais te poser une question. C'est la question de le sujet. Ouais, il faut la faire bref. Vraiment bref, s'il te plaît, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a essayé plusieurs fois. Je vais le laisser passer quand même. Il nous reste un quart d'heure. D'accord. Chauf, la Palestine. C'est juste à côté de l'Égypte. On est d'accord? Ok. Ça fait une année, parce que Goutli, Magadish, il y a la politique américaine. Ou la base, il y a normalement qui devrait décider à la place de la tête. D'accord. Ça fait un mouma hakmin. Tu me suis? Israël, les sionistes, c'est l'ennemi numéro un des populations arabes dans la région. Tu me suis? D'accord. Une année. وعلاش راحوا داروا النفير العام والجهاد ضد سوريا اسمع ils ont embarqué plus de 100,000 personnes à travers le monde pour aller frapper la Syrie وخلاو la Palestine qui est à quelques kilomètres de leur frontière وعلاش هذه ما question هذه c'est pour conclure on va jawbni kima tahab je vais encore conclure encore بواحد الحاجه انا نقول لك je vais te dire un truc. C'est pas pour être pessimiste ou la marg ou la mlih ou la gan nahqad ala nas ou la. Je donc nkemmelha avec une question tma nkemmelha bref. Je vais te prouver. Morsi. Mais oulich le hukm. Hadi la haja loula. Je peux te le garantir. والله أعلم يعني أنا غلط وأنا دي زاتر هما أنا قدر نغلط مرسي ما وليش الحكم ودرك تشوف le comportement تاع les frères musulmans pour moi un islamiste c'est pas un frère musulman un islamiste c'est autre chose il porte des valeurs plus globales et plus supérieures à ce que représentent les frères musulmans les frères musulmans شوف اشفع عليها مليح سامير خير انا وياك كوني اون كونتاكت سور فيسبوك وكلش وقول ما قلتها لكش وبالك راني غلط كي نغلط يعني تسمحوا لي وبالك جو بلو انترفينير سور مي نو مي نو شاكان سون بوين دو في لي فرير مسلمان فون سو ريتيري دو سيت كريز اي فون لاشي لي بروتيستاسيون بوبولير كي سو باس او نيفو دو لا روي اي تو فيرا pour tout ça, pour sauver leur parti politique, parce que c'est un parti international. À un certain moment, leur qiyad al-amma ta'hum, d'goulhum, allez, on arrête ce cirque, vous faites un compromis avec l'armée, avec les Américains, on se retire et on arrête là. Parce que la crise, elle ne peut pas devenir armée, comme en Syrie, et ni comme en Algérie. Il y a trop d'enjeux sur le canal de Suez et sur les accords de Camp David. Hadiya warani khalast. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair, non? Merci beaucoup à Texaha pour ta contribution. N'hésite pas à nous rappeler de toute façon une prochaine fois. Ça sera avec grand plaisir. Merci Aïch, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, Khaouti, il est 21h45 fil Jazaer ou 22h45 fil Fibéris. Je laisse passer un autre auditeur qu'on a essayé tout à l'heure. Allô, salam alaikum. Khouya Halim, qui nous appelle d'Algérie, j'ai l'impression qu'il y a un problème de son, c'est clair, moi je t'entends pas. C'est peut-être la connexion ou là. Là, je vois que nous sommes là en direct, ça passe en live. J'essaie de prendre un autre auditeur. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Haddar. Ah ouais. Allô, salam alaikum. Oui, oui, j'écoute. Hein. Tu m'entends là? Très bien. Oui, bon, je ne suis pas à Alger, hein. Je suis à Lille. Qu'est-ce que c'est? Très bien, très bien. Ouais. Impeccable. Est-ce qu'on peut s'écouter juste sur Skype? Et il faut couper peut-être la radio Andek si elle est en train de tourner pour pas faire écho en fait. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut s'écouter juste sur Skype? D'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà. Ben, merci beaucoup pour l'appel. Nous sommes en direct. On t'écoute à propos de notre sujet. Oui, j'ai bien suivi l'actualité, t'as le sujet, et ça m'intéresse un petit peu. Bon, mm-hmm. Je suis un petit peu dans le domaine de la pensée, mais... Mm-hmm. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui se passe sur Facebook et tout ça, il y a beaucoup de gens qui interviennent et qui disent que ce qui se passe en Égypte, c'est horrible et tout ça. Bon, nous, on connaît bien ça, parce qu'on l'a connu déjà dans les années... dans la décennie noire. Donc, on sait bien l'atrocité a été déjà vécue. Donc, c'est le prix de la liberté, en quelque sorte, hein, si on souhaite avoir une liberté. Donc, pour répondre à la question qui a été, à mon avis, elle est intéressante, c'est-à-dire quel est l'organisme qui a poussé à ce massacre en quelque sorte. Moi, le plus grand responsable dans cette situation, à mon avis, hein, et ça reste qu'un avis, hein, je pense que c'est les islamistes, c'est l'Ikhwan. En fait, quand ils ont pris le pouvoir, au lieu de faire participer toutes les composantes de la société égyptienne, malheureusement, ils sont focalisés sur la moralisation, sur l'islamisation de la société. Ils avaient une chaîne où ils se déchaînaient contre les chrétiens égyptiens, par exemple, contre tout ce qui n'est pas musulman et tout ça. Et ça a fait vraiment peur à la société égyptienne. Et je pense qu'ils avaient tout à fait raison, parce qu'à l'élite égyptienne surtout, ils avaient tout à fait raison, parce qu'ils ont des modèles dans leur tête. Et c'est exactement, ce n'est pas ce qui s'est reproduit en Algérie, mais sur le plan, c'est-à-dire comme on dit, je suis un neuropsychologue, donc on dit, il y a un mécanisme de pensée, il y a la pensée. Donc il y a un mécanisme qui déclenche la pensée, mais la pensée en elle-même, elle peut varier. Donc, mais le mécanisme est le même, si j'arrive à me faire comprendre. Donc le mécanisme est le même, puisqu'en Algérie, c'est en 91, quand le fils il a commencé à faire sa campagne électorale et tout ça, en fait, il a triché, en quelque sorte. Il a triché puisqu'il il a fait une corruption morale envers les électeurs. Par exemple, moi, je me rappelle bien, j'étais à l'époque, j'avais 15 ans ou 16 ans, je me rappelle, à l'époque, on disait, dans le Shihab de l'époque, il disait, كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. C'est-à-dire, il fait l'affiche, l'affiche pour voter le fils. C'est-à-dire, si tu votes fils, tu sauves de l'enfer. C'est-à-dire, cette manipulation. Et les gens, à l'époque, les gens simples, les gens qui ne connaissent pas, ils lisent pas, ils connaissent rien du tout. Et comme ils étaient un certain temps privés de la religion, en quelque sorte, par le biais des gens qui ne sont ni marxistes, ni baptistes, ni, je comprends pas le système politique ou la pensée politique algérienne des dirigeants politiques, hein, en Algérie. Parce qu'ils n'ont aucune vision claire. Donc, qu'est-ce que ces gens-là, à mon avis, hein, à l'époque, alors ils ont déclenché, c'est-à-dire cette moralisation de la société, le retour à la religion, c'est-à-dire le retour à ça, là, c'est-à-dire les valeurs originaux, ou même des gens, je me rappelle bien à l'époque, les gens, ils montent, c'est-à-dire pour le, ils disaient que un voleur, on va lui couper sa main, les prostituées, on va les mettre je ne sais pas où, mais c'est tellement bizarre, parce qu'ils ont on savait bien qu'ils sont mis en application, parce que ce qui est passé à Ourgla, il y avait une femme qui a été accusée de prostitution, ils l'ont brûlé sa maison et tout ça, donc ça... C'est intéressant qu'on garde ça dans notre histoire. C'est important. Excuse-moi de te couper. Est-ce que ça pourrait nous ramener à, d'abord, est-ce qu'on peut, si je comprends bien, est-ce qu'on peut considérer que les gens ont mal voté, c'est-à-dire on a fait voter les gens librement, etc., mais ils ont mal voté pour les raisons que tu es en train d'expliquer, notamment du point de vue psychologique ou les mécanismes qui font que. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont mal voté? Et est-ce que par ailleurs, plus loin encore, on pousse un petit peu le raisonnement, on va se dire, finalement, c'est normal qu'il faut intervenir, y compris militairement, comme ça s'est fait en Égypte tout récemment, et en Algérie il y a une vingtaine d'années, il faut intervenir donc pour rétablir ou s'occuper de ces gens qui votent mal ou qui ne savent pas profiter de la démocratie. Il y a le Houari Hadi qui a écrit, il est en train de développer la régression féconde. C'est une très bonne théorème que je trouve qu'elle est très intéressante. Tout simplement, le problème maintenant qui se pose, ce n'est pas on laisse les islamistes de prendre le pouvoir. Ils peuvent le prendre. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que quand ils prennent le pouvoir, ce que le modèle des militaires ou le modèle des intellectuels algériens ou égyptiens ou peu importe dans le monde arabe, ce qui va se passer, ils ont peur qu'ils vont reproduire le même modèle iranien. Donc ils vont accaparer le pouvoir, ils vont pas le lâcher. C'est-à-dire ils vont pas respecter les mécanismes qui les ont mis en pouvoir. C'est ça le problème. C'est-à-dire si on a vu en Égypte et en Tunisie qu'ils respectent totalement les mécanismes, ils sont prêts à composer avec une minorité, etc. Contrairement à ce que nous dit la propagande de beaucoup de médias. Je suis désolé pour contredire ça. En Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés, les islamistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit la projection des films. Même si on n'est pas d'accord, si tu joues la démocratie, il faut accepter l'autre tel quel que soit. S'il dit qu'il ne croit pas en Dieu ou qu'il croit pas en Dieu, donc il ne croit pas en prophète. C'est logique. Je ne veux pas être le défenseur des islamistes moi-même, je ne suis pas islamiste, mais par exemple, on est en Égypte pendant un an de pouvoir de Morsi, il n'y a pas eu, il y a eu des faits divers par-ci, par-là, j'espère qu'on ne fera pas de grands raisonnements sur certains faits divers, je pense que ça ne tient pas la route. Il faut prendre les choses dans leur globalité, etc. Et on a vu qu'en Égypte, ils sont passés par la justice à chaque fois, alors qu'il y a eu des chaînes de télé qui se sont déchaînés sur eux d'une manière qui, même en France, les gens, on les aurait punis par la loi parce qu'ils dérapaient complètement dans leur langage et tout. Et on a vu que les islamistes, au mieux, ils sont passés par la justice, c'est-à-dire qu'ils ont créé, esté en justice certains animateurs et tout. En Tunisie, exactement la même chose. Nahda, qui est une majorité relative, elle a le pouvoir avec, on partage avec d'autres, et ils n'ont rien interdit de, c'est-à-dire de globalement comme ça, ils n'ont pas modifié la société, au contraire. Je pense que ceux qui disent ça, ce sont les médias qui gonflent énormément les choses pour faire une sorte d'épouvantail en disant que les islamistes vont vous couper les têtes, vont vous couper les bras, etc. Alors que la réalité, elle est là, et je pense que c'est une réalité que beaucoup de gens observent, en fait, hein. À mon avis. Bon, moi, je ne partage pas complètement cet avis, puisque tout simplement, je pense que le problème, il se trouve exactement, comme je l'ai expliqué, dans le respect de ce mécanisme de la démocratie, par exemple. Tu vois, par exemple, ici en France, les gens utilisent les mêmes mécanismes pour défendre leurs droits. Par exemple, quand je vois les femmes quand ils portent le voile, là, et ils utilisent les lois de la République pour réclamer de la liberté. Ils utilisent cette liberté-là, qu'ils ne l'ont pas ailleurs. Donc, et en même temps, ils l'utilisent, mais vraiment, ils l'utilisent pour aboutir à leur fin. Mm-hmm. Donc, moi, je reviens à cette idée. Par exemple, vous dites là, maintenant, par exemple, en Égypte ou en Tunisie, malheureusement, moi, je ne partage pas, parce que tout simplement, il y avait l'événement du film en Tunisie, que ça a fini par Osmo, et il y avait aussi, souvenez-vous, il y avait les fermetures des bars et tout ça. Il y avait, et très, très, la chose la plus importante, les gens qui font pas le ramadan, par exemple, ils brûlaient les restaurants. Donc, cette intolérance envers de l'autre, c'est ça qui est le problème. Et que je pense que les militaires ou les gens, l'élite égyptienne, moi j'ai suivi la destitution de Morsi à la télé égyptienne, parce que je pensais que c'est mieux de regarder ce qu'ils disent sur ce qui se passe. Alors je vois la joie des gens, la joie des animateurs, tout ça, mais simplement, c'est l'élite qui a décidé ça. Ce n'est pas le peuple. Le peuple, tu lui donnes à manger, c'est le plus important pour lui. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes un logement et un travail. Et il ne demande pas plus. La doctrine, le dogmatisme et tout le fonctionnement du pouvoir, c'est l'élite qui savent les règles du jeu. En Algérie, par exemple, en 91, la responsabilité entière de ce qui se passe, ce n'est pas forcément les militaires. Il y a aussi les islamistes qui ont contribué d'une manière, je suis désolé d'utiliser ça, à être manipulés d'une manière débile pour renforcer une vision d'un certain clan ou je ne sais quoi. Et eux, ils sont tombés dans le piège. Et ils ont fait aussi des crimes, des islamistes. Ils doivent être aussi, à mon avis, ils doivent être aussi passés par les tribunaux internationaux. Ali Blehadj qui parlait maintenant de la démocratie, on le trouve partout, dans toutes les manifestations, malheureusement. Et y compris la dernière fois à Tizi Ouzou, j'aimerais bien revenir par rapport à ça. C'est que malheureusement, ce monsieur, quand en 81, quand les gens mouraient, par exemple, en 81 ou en 2001, quand les gens mouraient, il n'a jamais cessé de manifester pour la Kabylie. Quand les terroristes, ils étaient en train de brûler les forêts de la Kabylie, où là, ils tuent des gens, il ne s'est jamais manifesté, ce monsieur. Et du jour au lendemain, il vient pour soi-disant, je lis un chroniqueur de Choroq, il dit « Shayatin Tizi Ouzou ». C'est quoi Chayatine? Alors, des gens de Tizi Ouzou sont des Chayatine? Pas du quoi, tout. On l'a vu, la vidéo Théo, elle a fait le tour du monde quand même. On ne peut pas dire les choses comme ça, Haka. Il ne faut pas dire les choses qui ne sont pas vraies. Sa vidéo, elle a fait le tour du monde. Wingel, oulala, quand même. Il a dit, Nes, Nel Kbeil, Min Afdal Nes, j'ai oublié l'expression Théo, Min Akram Nes Andna. Je m'en fiche d'Ali Plihadj, parce que tout simplement, pour moi, c'est un criminel. C'est un criminel comme il s'appelle Nzar. Tous les deux sont des criminels. Ils doivent être jugés et l'histoire, ils vont le dire un jour. C'est ton droit. Tous les deux, ils sont responsables de ce qui s'est passé. Et tous les deux, ils sont responsables le fait que l'Algérie a été vidée de ses élites. Vous voyez maintenant les élections algériennes. Et on parle maintenant de ce qui se passe en Égypte et tout ça et tout. Et là, on a vidé complètement l'Algérie de son élite. Moi, je vois des amis un peu partout dans le monde. J'assiste à des congrès et tout ça. Et je suis vraiment dégoûté quand je vois des potentialités d'Anahnaya et elles sont ailleurs et qu'on vide le débat politique en Algérie par rapport à des... Maintenant, on parle de l'islamisation de la société. Ça, c'est quelque chose d'évident. Donc, je reviens à l'Égypte. C'est que c'est la logique de l'Éclair musulman qui les a aboutis à ça. Et maintenant, ce qui se passe maintenant, malheureusement, on voit que ce qui se passe, les militaires, ils tuent. Mais de l'autre côté aussi, les frères musulmans, ils sont en train de tuer d'autres personnes aussi. Donc ils doivent, eux aussi, s'il y a une iniquité en quelque sorte, eux aussi, ils sont responsables de certaines choses. Donc il faut trouver une solution autrement. Je ne sais pas comment il faut qu'ils réfléchissent. L'essentiel, les militaires, ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait en Algérie. Donc, ils vont faire, ce sera toujours un clan qui va gagner toujours. Mais les islamistes, ce sera la même chose. Parce que tout simplement, eux, ils vont pas faire une république des citoyens. Ils vont faire une république des croyants. Mohamed Harbi, il a raison quand il a écrit ça en 80. Ils disent, est-ce que c'est une république des croyants, une république des citoyens? Ben là, en Algérie, on est arrivé à une république des croyants. On n'est pas dans une république des citoyens. Finalement, ton droit, par exemple, les gens qui ont fait ça à Tizi Ouzou, qui ont le droit, par le biais de la constitution algérienne, l'article 35 et aussi l'article 2 de la constitution algérienne. Et quand les gens me disent la déclaration du 1er novembre, mais lisez bien la déclaration du 1er novembre, vous allez trouver que la déclaration du 1er novembre, il disait que pour les valeurs républicaines et tous les Algériens ne sont pas exclus, quelle que soit leur religion, leur race, leur... C'est important de lire cette déclaration du 1er novembre. C'est un vrai projet démocratique et un vrai projet républicain. Donc, ces gens-là, ils ont le droit de faire ce qu'ils étaient en train de faire. En Égypte, les non-musulmans, ils ont le droit. Et pourquoi les chrétiens égyptiens, ils n'ont pas le droit à la citoyenneté à part entière d'être un Égyptien? Et pourtant, ils étaient avant les musulmans en Égypte. Ils ont le droit, ils sont 15 millions en Égypte. Ils sont 20% de la population égyptienne. Tout à fait. Donc, comment faire? Ces gens-là, ils viennent, et puis après, ils veulent imposer leur projet de société. Et du coup, et puis après, quand ils, dans la victimisation, ils sont les meilleurs. Franchement, je suis vraiment écœuré à chaque fois, les islamistes, quand ils font ça. Quand ils utilisent la démocratie pour dénoncer, soi-disant, les horribles choses qui leur arrivent. Et faisons ça, Ali Bihadj qui disait en 89 que la démocratie est haram, nous on va y aller au pouvoir pour abolir tous ces systèmes démocratiques. Et un jour, je l'entends, il parlait de la démocratie, mais j'ai dit quelle évolution de ce monsieur, c'était un petit maître, il était un chir à l'école, un petit peu, et puis après il est devenu un maître, je ne sais quoi, et bon... Quelle évolution qu'il a fait. Il aurait dû comprendre ça en 91. On aurait dû éviter tout ça. Très bien. Très bien. Atexaha, juste parce qu'en fait on arrive à la fin de l'émission, moi je te remercie infiniment pour ta participation. Mais si tu permets, on va déborder un peu sur l'horaire. Juste avec une dernière question par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'Égypte aussi. Est-ce que ce que tu disais là sur les islamistes, est-ce que ça justifie un coup d'État tel qu'on l'a vu en Égypte il y a quelques jours? Et plus globalement, est-ce que ça justifie, selon toi, un coup de force militaire dans ce cas-là? Et puis ça sera la dernière. la dernière question, je veux dire. C'est une question que moi, j'ai déjà écrit plusieurs articles sur la violence et tout ça en Algérie, mais aussi, je crois, c'est valable dans tous les pays musulmans. C'est la culture de la violence. On est toujours dans la culture de plus fort. Pour avoir ton droit, il faut utiliser la force. Le dialogue, il est toujours bloqué. Les gens, ils n'arrivent pas à dialoguer. Et Abou Alem Sansal, il a écrit un très bon livre qui s'appelle « La lettre ouverte aux Algériens », je me rappelle bien, où il parle, il insistait sur la notion du dialogue. Il faut qu'on apprenne à parler entre nous, d'abord. Et que les Égyptiens, je crois, c'est la même chose. S'ils étaient, ils dialoguaient, parce que si les militaires, ils n'avaient pas autre option, ils auraient dû faire une autre option. Parce que je crois, s'ils étaient contre les frères musulmans, tout ça, ils auront dû ne pas les laisser avoir le pouvoir il y a un an. Hello. Et le militaire Hadak, il est parti. Donc ils ont eu le pouvoir, même s'ils avaient un certain, je dirais, il y a certains résistants qui disent non, on ne va pas laisser le pouvoir aux islamistes, tout ça. Non, ils ont respecté quand même. Ils ont laissé les choses. Mais quand ils ont vu la peur qui a été, comme j'ai dit, hein, c'est la peur qui a été signalée par les élites égyptiennes, que les gens ils disent ah non, ça devient très très dangereux ce qu'ils sont en train de faire là. Ça devient n'importe quoi. Quand la société civile, elle fait intervenir les militaires, il y avait une grande manifestation à mes connaissances. Donc, il y avait une vingtaine de millions pour destituer Morsi. Donc, c'était un appel pour l'armée pour destituer Morsi. C'était pas, ils sont pas venus du jour au lendemain comme ça. Le peuple égyptien, il voulait faire ça, c'est-à-dire il voulait destituer Morsi. Il y avait une grande partie de la... Non, le chiffre de 20 millions a été quand même... 20 millions, 15 millions, on sait bien pour faire... C'est pour faire dire aux gens que le peuple égyptien a fait appel à l'armée, c'est ça le but. Il fait appel à l'armée. Donc il a fait appel à l'armée, et l'armée est là, il est venu pour répondre à cette demande. Donc... Mais c'était aux frères musulmans de répondre à cette demande-là. Pourquoi ces gens-là, ils sont manifestés? Pourquoi ces gens-là, ils ne croyaient plus à Morsi? Est-ce que ça justifie un coup d'État militaire? On a vu en France un président de la République qui atteint 20% des taux de satisfaction auprès des citoyens, mais on n'a pas fait de coup d'État contre lui. On a continué à faire de la politique et on a essayé de le changer politiquement, non? Ben, tout simplement, c'est pas comparable déjà. Parce que la France, déjà, vous et moi, on le sait. C'est-à-dire, il y a un président, il n'a pas, le maire, il peut gérer bien la mairie facilement sans l'intervention du président de la République. Tout simplement, la culture démocratique en France, elle est complètement très évoluée. Les gens qui font la démocratie, qui l'exercent au quotidien, ce n'est pas une question, où vous allez à l'école. Moi, c'est la chose qui m'a beaucoup attiré dès le début quand je suis revenu en France, que j'ai vu des enfants au collège qui arrivaient, ils savaient déjà à dialoguer, à choisir, de proposer toujours deux possibilités, trois possibilités, c'est-à-dire l'esprit critique. Mais malheureusement, dans les pays comme l'Algérie, qui a été complètement, ou comme l'Égypte, qui a été complètement, je me rappelle d'un titre d'un livre de, comment il s'appelle, Mohamed Al-Khouni, il le cite souvent, l'ignorance sacrée. On a sacralisé l'ignorance. Donc du coup, ces gens-là, ils peuvent, sur le plan d'exercice démocratique, ils ne sont pas assez majeurs pour que, pour qu'ils exercent cette démocratie-là des manières, de la même manière qu'ici, quoi. Donc c'est pour ça, c'est incomparable. Très bien. Mais très le bien. Fait que le peuple, il sort dans la rue, je crois, c'est quelque chose de très sincère, puisqu'on est plus dans la tradition orale. On n'est pas dans une tradition écrite où les gens, il faut écrire, faire la démarche administrative, tout ça. Non, on n'est pas dans cette démarche-là. Nous, quand on n'est pas bien, par exemple, moi, je me rappelle dans le village ou dans la ville, s'il n'y a pas l'électricité, au lieu de faire un courrier, de faire une signature ou machin et tout ça, de faire une comité, d'y aller voir l'OLI ou là, je ne sais quoi. Non, non, on va pas faire ça. On va directement couper la route. On va faire un petit peu de la violence. Et c'est comme ça que les autres, ils vont nous entendre. Parce que même l'autre, là, qui va recevoir le message, il va recevoir, s'il reçoit un écrit, il va pas entendre. Mais quand il va entendre la violence, ça va lui faire du bien d'entendre un petit peu la violence. Donc c'est ça la culture de la violence. À mon avis, c'est une question que les sociétés arabes doivent la poser. Quel est l'apport de la violence au sein même de la famille? Moi, j'ai un enfant et une fois, je regardais un film égyptien à la maison. Mon enfant il me dit, mais pourquoi il crie? J'ai dit, ben il crie parce qu'il parle comme ça. Ben il me dit, ils n'ont pas besoin de crier comme ça. C'est très violent, il me dit. Vous voyez, donc c'est mon enfant qui est élevé ici, hein, donc et il n'est pas habitué d'entendre des gens mais parler normalement. C'est des Égyptiens, c'est pour lui c'est une violence. Donc vous voyez, par rapport à vraiment à la violence physique, moi quand je vois des gens des islamistes qui ils enlèvent le cœur d'une personne, ils le mangent. Ça, on peut poser beaucoup beaucoup de choses dans notre tête. C'est-à-dire ces gens-là, ils ont tué déjà tout ce que les révolutionnaires syriens y ont fait. On a vu des choses horribles même de l'autre côté. Alors, oui. Malheureusement, le problème que de la violence, je pense qu'il concerne nos sociétés et je pense que tu connais très bien ça. Moi, je la pose, je l'ai déjà posée dans mes articles. Vous pouvez lire ça dans le Watan et dans le quotidien d'Oran souvent. Mais je le dis comme ça parce que tout simplement. C'est une question qui m'a beaucoup interpellé. Je suis dans le domaine, donc je m'interroge par rapport à cette question. Je trouve que c'est une des priorités, par exemple, par rapport à l'Algérie. J'ai demandé qu'on fasse même un observatoire national contre la violence. Contre la violence à l'égard des enfants, à l'égard des adultes et à l'égard des femmes et les personnes âgées. Donc, toutes ces violences-là qu'on est en train de les encaisser et on est en train de vivre dans un milieu qui encore engendre de la violence et qu'on arrive à des atrocités, qu'un être qui égorge un autre être, il est content de l'égorger. Je trouve ça, sur le plan psychologique, en tant que psychologue, je trouve ça, c'est très, très, très psychotique. C'est vraiment, c'est trop archaïque, c'est très violent. C'est des êtres qui sont comme ça. Ça me fait tellement peur. C'est pas une spécificité à nos sociétés, même si ce n'est pas notre sujet de la soirée. Ça serait bien qu'on fasse une émission sur ça, si cela te dit. Mais c'est pas une spécificité à notre société. Moi, j'ai vu des horreurs faites dans des sociétés occidentales. Des horreurs comme ça, qui relèvent de ce que tu es en train de dire. Hein. Oui, je travaille avec des gens comme ça, hein, donc je connais. Partout, il y a de la folie humaine, j'allais dire. Oui. Ben, je sais, il y en a ça. Mais un schizophrène qui a un problème des hallucinations auditives ou autre chose, il peut le faire. Donc vous voyez, donc ça c'est plus pathologique. On peut le comprendre en tant que moi, j'ai vu ça dans les guerres, par exemple certaines vidéos qui ont circulé. Moi j'aime pas ça, hein, franchement ça m'horrifie. Mais par exemple dans le conflit russe, etc. On voit aussi. Si vous voyez, je sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer du russe ici à Paris ou pas. Mais moi, je vous le conseille un jour, si vous avez des réceptions de temps en temps. Moi, j'ai assisté à plusieurs réceptions ici à Paris. J'ai vu des Russes et des Biélorusses ou des gens qui sont de l'ex-URSS. Et je suis horrifié par la violence qu'ils dégagent. Donc, c'est la question. Mais dans les sociétés françaises, il y a eu une violence énorme, la Révolution française. Absolument. Il y avait plus que ça. En la Révolution russe. Faut pas qu'on oublie ça. En 1919, il y avait des enfants qui ont été enlevés complètement au sein de leur mère. Nous, en Algérie, on a vécu ça, la décennie noire. Donc, ça, la décennie noire, quand ils mettent des bébés dans les fours, c'est horrible, ça. Quel que soit un islamiste ou un militaire, c'est quelqu'un qui fait une chose pareille, ce n'est pas un humain, c'est un inhumain. Et les gens comme le Qaradawi ou comme des gens comme je sais pas comment il s'appelle le mufti là et qu'il dit que halal ou je ne sais pas À l'époque, je disais, mais ce Qaradawi, il n'est pas normal. Ils disent, non, il a raison. Là, maintenant, quand il fait ça contre la Syrie et l'Égypte, il est complètement dément. Oui, il est dément. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas du tout raisonnable, en quelque sorte. Oui, donc, si j'arrive à faire une conclusion à tout ça, c'est finalement, nous, on regarde les choses en amont. Plutôt, on regarde les choses en aval. Toujours, on est toujours horrifié par ce qui se passe. C'est vrai, c'est horrible ce qui se passe. Moi, j'arrive même pas à regarder les informations parce que j'ai mis mon enfant à côté. Je veux pas qu'il refasse ça. Donc, je préfère faire autre chose pendant les informations. Je regarde après. Et tout simplement, c'est vraiment horrible. Ça, c'est on avale des choses. C'est quand quelqu'un il te frappe. Ça, c'est l'aval de la chose. Mais il faut chercher les choses en amont. Mais aussi, la chose la plus importante, c'est de comment créer des mécanismes pour ne pas reproduire les mêmes choses. Or, malheureusement, ce qui se passe dans les pays arabes ou musulmans, ou comme l'Algérie ou tout ça, et comme il a bien expliqué, il a dit dans son dernier article dans le Watan, je trouvais ça assez formidable, Mohamed Maghouel, il a écrit ce matin dans le Soir d'Algérie, et j'ai écrit un article ce jeudi dans le Soir d'Algérie, plutôt dans le quotidien d'Oran. Mais pour dire, le problème, ce n'est pas, il ne faut pas chercher toujours les choses en aval. L'émotion, c'est bien l'émotion, mais il faut qu'on soit un jour raisonnable. Il faut qu'on comprenne qu'il y a la raison. Et la raison, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse d'une manière à long terme. Il faut qu'on mette des mécanismes qui permettent à nos citoyens de s'épanouir et qu'ils ne reproduisent pas ce que les autres ont vu, nous ou les autres ayant vécu. Moi, je ne suis pas obligé de transmettre ma violence à mon enfant pour qu'il refasse la même violence que moi, je l'ai faite par rapport à d'autres personnes. Donc, j'aimerais bien que mon enfant qu'il soit immunisé par rapport à cette violence-là. Donc, c'est exactement là les politiques algériens ou du monde musulman ou je ne sais quoi. Et ils ne sont pas capables maintenant, disons-le, Mohamed Al-Koun, il l'a bien dit. Comment il s'appelle il l'a bien dit dans son dernier article aussi, en disant mais le problème il se trouve dans la pensée, il se trouve dans la façon de qu'on appelle nous les neuropsychologues ou les psychologues, généralement les stratégies de coping, c'est-à-dire de la stratégie de faire face à un événement. Se retrouver dans des situations de victimisation, se retrouver dans une situation, c'est humiliant, parce qu'on se victimise trop. Ce n'est pas notre faute, c'est l'autre toujours qui a l'erreur. La faute, elle est en partie de nous. Et l'autre, moi, quand il me parle de l'Occident, mais réveillez-vous, l'Occident, c'est il cherche que ses intérêts. Il s'en fiche complètement de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous aussi, cherchez votre intérêt. Qu'est-ce qui vous empêche de chercher votre intérêt? Cherchez votre intérêt au lieu de rester en système de défense. Ah, l'Occident, il a fait ça, moi, je vais faire mieux que lui. Non, je vais pas faire mieux que lui. Je vais faire mieux pour moi, pour que moi, j'avance. J'ai besoin que mon pays avance. Et c'est ça le plus important. Moi, maintenant, quand les Algériens, les Égyptiens, les Algériens qui se manifestent pour montrer leur affection au peuple égyptien, c'est très tout à fait humain, parce qu'ils sont très choqués par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve sur le plan psychologique, parce que ça leur rappelle ce qu'ils ont vécu. Donc c'est tout à fait normal. C'est une forme de thérapie nationale, en quelque sorte, pour faire ça, qu'ils font des prières nationales ou je ne sais quoi. Non. Mais ils ont dû soutenir les gens qui sont en train de souffrir à Ourgla, ceux qui sont en train de se manifester, par exemple, maintenant à Bojmurta ou je ne sais quoi, dans le sud algérien. Ou pour les gens qui sont par exemple en Kabylie ou en Algérie ou en Tiers. On veut la démocratie, il faut qu'on l'assume, cette démocratie, c'est-à-dire la liberté de croyance et la liberté de la différence. Et on la sacralise, cette liberté de la différence. Moi, personnellement, par rapport à ce qui s'est passé sur les Tizi Ouzou, je les soutiens et je les soutiendrai par le principe de liberté. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Un chrétien, il a le droit d'être un chrétien. Même s'il est algérien, il a le droit d'être un chrétien algérien. Un juif algérien, il a le droit d'être un juif algérien. Il a le droit d'exercer cette liberté en plein public dans sa société. Comment voulez-vous qu'elle va exercer cette liberté et il faut qu'elle l'exerce ailleurs? Non, il a le droit de l'exercer chez lui, dans son pays, et il a le droit que les autres le respectent comme il est lui. C'est pas comme eux, ils le souhaitent d'être. C'est ça que les Algériens doivent comprendre. Et très là, bien. Maintenant, malheureusement, cette liberté de conscience, cette liberté, là, le libre arbitre, malheureusement, il n'est pas encore ancré dans le système éducatif algérien. Et que malheureusement, on a formé des trois générations sans avoir un esprit critique. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça donnera une troisième, une quatrième génération qui va arriver là maintenant. Ce sera la catastrophe en Algérie. C'est la catastrophe qui va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe en Égypte. Hein. Vous prenez, si vous allez un jour à Paris, l'élite égyptienne, vous allez parler avec eux et tout ça, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Hein. Parce que la majorité, ils viennent ici, là, et maintenant, il y en a beaucoup qui viennent en France et en Angleterre. Et tout ça. Donc, c'est cette liberté de conscience et cette. Accepter la différence. Et très quand bien. On dit accepter la différence, c'est-à-dire c'est pas que par la parole, il faut l'accepter réellement. Quand quelqu'un il vient manger avec devant toi le Ramadan, tu lui dis oui c'est bien mais c'est pas grave. Le problème c'est ton droit et moi c'est mon droit de faire le carême. Très bien, c'est très clair. Atik Saha, merci beaucoup. Excuse-moi comme ça de t'arrêter, même si c'est important. Atik Saha, pour l'intervention, même si moi je partage pas tout ce qui a été dit, tu dois t'en douter, mais sinon le débat c'est intéressant, et puis si tu peux intervenir une prochaine fois et tout, n'hésite pas, ça sera avec grand plaisir. Yazid Haddar, qui entre autres est journaliste et aussi dans le domaine de la psychologie, si j'ai bien compris. Oui, je suis un neuropsychologue ici à Lille, je suis docteur en psychologie en Belgique aussi. Très très bien. C'est très intéressant. Je pense que le sujet de la violence, moi, je pense qu'il faut absolument l'aborder, y compris lui donner le temps nécessaire. Atik Saha, pour l'appel, n'hésite pas de rappeler quand tu veux, Khoya. Et je te remercie personnellement pour être intervenu parce qu'on a un peu échangé sur Facebook. Ah ben merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à toi. Merci, continue comme ça, c'est bien. Merci, bien, bonne soirée. Merci beaucoup, Khouya Yazid Haddar, journaliste. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, mais c'est pas grave. Je pense que les gens ils sont là pour exprimer leur point de vue. Là, on a discuté un peu sur le cas égyptien. On a dépassé, il est 22h22 en Algérie, 23h22 ici en France. C'est sur Radio Chicha, donc il n'y a pas de frontières et il n'y a pas de visa. Khaouti, je remercie les gens qui sont intervenus. Je remercie les gens qui nous ont écoutés depuis tout à l'heure. Vous pouvez intervenir les prochaines fois, Khaouti, vous pouvez intervenir en français, en arabe ou en qbelia, comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on arrive à discuter entre Algériens ou là, entre auditeurs de Radio Chicha ou là, ceux qui sont intéressés par les problématiques abordées. Ce soir, on a essayé de parler des événements en Égypte. Pardon. Des événements en Égypte, on voit que ça s'est vraiment gâté, ça se passe vraiment mal, il y a beaucoup de morts en fait, il y a beaucoup de souffrances, aussi le sujet il est éminemment politique, je vois qu'il y a énormément de manipulation aussi par les médias, notamment les agences et tout, qui reprennent un peu la propagande des militaires et tout, c'est mon avis, c'est ce que j'ai dit, que j'ai argumenté largement en fait, même si je conçois que les gens ne pensent pas comme moi, il n'y a pas de problème. On a essayé de parler de ça ce soir, Khaouti. On arrive à la fin de l'émission. Vous pouvez venir sur radiochicha.com, le site internet, radiochicha.com, pour nous donner votre avis, pour écouter les émissions, parce que les émissions, elles sont en live. Après, on écoute sous forme de podcast sur le site. Si vous voulez réécouter ou distribuer, vous pouvez partager le lien si vous voulez faire écouter ça à vos contacts, vos amis. pas de problème, venez sur radiochicha.com et il y a toutes les informations, vous pouvez même nous contacter. C'est tout ce que je voulais dire, chers amis, chers auditeurs, aynama kuntum huna wa hunek, passez une agréable soirée, bonne nuit, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir appelé et participé. À samedi prochain à 20h heure algérienne ou la 21h heure française, tous les samedis soirs sur radiochicha.com. Salam alaikum, à ciao, bonsoir, à très bientôt. استمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت.